c'est Virginie Schaeffer. Vous me connaissez de Europa Park et l'odeur des vestiaires. Les cacahuètes au Tom Yam vous présentent cet épisode de Radio Stoub. Moi, Virginie Schaeffer, et les cacahuètes au Tom Yam vous souhaitent une saison relevée et épicée, mais pas trop piquante. Les cacahuètes au Tom Yam, c'est bon. Mangez-en. Plein. Au revoir et bon épisode de Radio Stoub. But now we come to a period that I call the battle for identity. I want to go to Chelsea. Oh no, it does not move me. Voilà, bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue dans la 18e saison de Radio Stoub. L'âge de la maturité. L'âge de la maturité. Oh là, je bafouille. Voilà, donc émission spéciale, comme d'habitude. Nous sommes autant que l'effectif actuel du Racing qui va rester cette saison, c'est-à-dire 7. Je vais tout de suite présenter l'effectif. Que des nouvelles recrues de retour de prêt. On va commencer par JP Darki. Venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. Il m'a dit, j'ai envie de toi. Lourdes, bonne année à tous. Une nouvelle saison, c'est comme une nouvelle année. Voilà, je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir invité. Et j'espère que tout le monde va bien. Et en particulier, je voudrais saluer la commu, bien sûr, la team et la famille. J'ai un peu tremblé de la voix. Bah écoute, tu as les clés du studio, c'est pour ça que tu viens à chaque fois. Il est aussi de retour après une légère absence. Il prend de son temps, de son sport favori pour rejoindre Radio Stoub, c'est Kittel. Hauser, Fußbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. Niemand hört es, als ich schreie. Ouais, je suis pas venu avec vous. Ah, ouais, non, il y a des limites. Parce qu'il y avait un col entre chez moi et ici. C'est grosse étape. Le pont Churchill. Le pont du canal. Un autre fan de vélo et du racing, Stroutim. Du vélo, c'est certain, ouais. Bonsoir. Alors, hop, je le mets tout de suite ici. L'ironie n'est pas morte avec Marc Keller. C'est placé. Alex Co, donc on en a appris le vrai nom aujourd'hui. Ouais. Il s'appelle en fait Jean-Eudes. Patrick Jean-Eudes. Exactement. Je me dévoile un peu plus à chaque fois. Voilà. Et j'espère que tu reviendras. Ah bah oui, ça serait quand même dommage que ça soit ma dernière parce que le Racing me déçoit. Dès qu'il aurait vu un match, Il est en bout de table, il nous préside avec sa voix de baryton, Roulian. I'm a boy and I'm a man. I'm 18 and I don't know what I want. 18, I just don't know what I want. Bonsoir. Magnifique voix de Marie-Thou. Tout à fait. Et. L'anti-sèche est sorti. Fort de jouer. Monsieur fou de foot. Wow, can't do it by myself. Yeah, yeah, yeah. Mais c'est bien. Foutre de foutre. Foutre de foutre. Foutre de foutre. 9 minutes 25. Un film. Comme quoi, quand on est con. Voilà, bah, monsieur foutre de foutre, Alex. Ouais. Voilà, c'était bien la peine. Bienvenue, bien. Bonjour. Écoute, je pense que dans cette saison, j'arriverai. Je vais m'épingler comme ça, j'arriverai à prononcer correctement ton pseudo de Twitter. Ouais. Voilà, on me présente pas aujourd'hui, on s'en fout. Si, hein, si, si, ouais, alors bon, notre lumière, phare de la pensée, notre, voilà, la pensée, notre guide, notre grand timonier, notre guide suprême, notre MC, notre barmaid de Sarrebruck. Notre barmaid de Sarrebruck, exact. notre string, hein, notre porte-jartel. Qui c'est? C'est bien sûr Guinness! Separated. Hey, the man, you're disrespecting me. Take him out. Gotta keep them separated. Hey, hey, don't pay no mind. We're under 18 and won't be doing any time. Hey, hey, come out and play. Come on. Exactement, à poil, il va falloir se mettre pour compléter ce programme de folie que nous avons contacté et concocté pendant la conférence de rédac. Rapidement, teasing, donc au bout de la première heure, on aura fait le mercato. Ensuite, deuxième heure, les matchs amicaux. Troisième heure, le début de la saison, on va quand même un petit peu parler des matchs qu'on a déjà vus. Et ensuite, quatrième heure, on va parler du futur. Donc, je vous propose de tout de suite commencer par le mercato, parce que bah, quand même, on a un petit mettez-vous à l'aise, prenez une petite boisson, détendez-vous, ouais, ça va être long. Voilà. N'hésitez pas de goûter la Carola fruit de la passion, qui sponsorise l'épisode. Notre pas sponsor. Et, n'oubliez pas, les cacahuètes au Tom Yam, qui nous sponsorise aussi. Aussi. Voilà. Et Alsacien. Alsacien, absolument. Tout à fait. Du Velasquez Finzer. Voilà. Donc, et la petite tartinade. Oh, c'est pas mauvais ça, la petite tartinade de Alsacien à Finzer. Oh, oui, dis donc. Tu sais que ça marche comme ça dans les podcasts. Ça coûte plus cher le sponsoring si les gens du podcast parlent le truc et font mine de le faire en vrai. Tu reçois plus de pognon. Ah, tu ah oui. Fait, oh, et si tu l'intègres. Ah, vivement ma sœur. Mais qu'est-ce que c'est que tu as en main? C'est délicieux. Bah oui, c'est la coopérative Alsacien, gourmet et tradition, qui fait du fromage à tartiner maintenant. Oh, mais c'est vraiment l'ADN de Radio Stube. J'ai envie de te dire, la tartinade n'a pas changé. Ouais, exactement. Exactement. Tu peux en tartiner, du coup. Voilà. Exactement. C'est bon. Alors, envoyez l'argent. Bruit de langue. Envoyez l'argent. Alors, qu'est-ce qui n'a pas changé? Ce n'est pas l'équipe du Racing, puisqu'il y a eu beaucoup de départs. Oui, tout à fait, Gigas. Alors, je suis au taquet au point complètement. Non, mais si on en fait 10, en c'est pas mal. Et du parking de la Mino. Il y avait un côté, je suis en direct de quelqu'un. Ouais, ça fait. Oui, Patrick. Il y a plusieurs catégories. Il y a déjà les retours de prêt. Ah, Santos. Ah oui, mais j'ai pas les catégories. Dans quel sens? Ceux qui s'en vont de chez nous ou ceux Oui, ceux qui sont partis chez nous. Là, on est dans les départs. Donc, les départs, c'est ceux qui sont. Les retours de prêt de Chelsea. Donc, Petrovic. Petrovic. Santos. C'est comme ça, on fait un petit quiz en même temps. Ça, oui, non, peut-être. On sait pas. Non, c'est qu'elle est brûlée. Ça. Il est déjà non, parti. Mais c'était déjà le troisième. Par où t'es parti, on t'a pas vu entrer. Aldo Machin. Exactement. Ouais, donc les retours de prêt, c'est bon. C'est pas le seul. C'est tout. Donc les trois prêts de Chelsea ont pris fin. Voilà. Et il y a juste le prêt où on savait pas si c'était un prêt. Finalement, il est quand même reprêté. Je résume pour les gens qui n'ont pas suivi. Voilà. On était où là? Mais je viens de découvrir la fiche. Bah oui, mais transfert sur racingstrip.com. Ah oui, mais tu parles, c'est pas une heure. Enfin, là, on se tait. Donc, alors ensuite les départs. Ouais. Bah déjà, on a Robin Risser. Ah. Qui vous avez vu va faire doublette avec un autre Alsacien, non? Gürtner. C'était ça, hein, c'était quoi? Alain Dreyer. Non, c'était Robin Risser. Donc, bon, juste comme ça. 3 millions. 3 millions. Ah bon, ah, wow, est-ce qu'on y croit vraiment à ces 3 millions ? 3 millions anciens, ouais, c'est pas mal. Non, mais on peut pas vendre un mec qui n'allait jamais jouer chez nous. Genre les mecs de Lens, ils disent, mais vous allez le garder pour faire quoi ? Donnez-moi-le. Risser sera titulaire à Lens, vous pensez ? Ah bah je pense qu'il part pour être titulaire, ouais, effectivement. Hein. Mais il partait pour être titulaire la saison dernière aussi. C'est un peu le plan, ouais. Ouais. En tout cas, il a on lui souhaite. Hein, il aura après, vu que les indemnités de transfert sont pas fonction de la valeur sportive du joueur, mais plutôt de ce qu'on estime de son potentiel de revente, gardien désespoir. Oui, bah, faut qu'il joue. Oui, faut qu'il joue. Au gardien, au désespoir. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est après. Tu vois, on va signer un autre gars à la place là, un Belge. Benders. Est-il vraiment meilleur ? Ce truc, c'est que lui, il est labellisé Chelsea, donc... Et puisqu'on parle des gardiens, petite parenthèse, vous avez vu Breaking News de l'Alsace, à 20h14, par Mediasoc, le gardien de 23 ans, Stéphane Bajic, Bristol, a été mis à l'essai au Racing pour un mois en vue du poste de gardien numéro 3. Oui, parce qu'entre-temps, notre gardien numéro 3 est parti au Portugal. C'était qui ? C'était Bélarouche. Il est parti à Braga pour 300 000 euros. 300 000 pastèches de Nata. Ok. Putain, c'est un bon prix. Ouais. Et puis c'est bien dit en plus. Ouais. Ouais. Mais là, Bélarouche, au Portugal, pour 300 000 euros, on y croit plus. On a perdu notre gardien titulaire au retour de prêt. Ouais. Et on a vendu nos. Il nous reste que. Calais Johnson. Mais est-ce qu'on va recruter un gardien au moment où on enregistre? Est-ce qu'on a vu une arrivée officielle? Il y a un jeune qui joue, un jeune alsacien. Donc, j'ai cru que c'était le fils à Johnson. Non, mais là, si tu as le Bazic et Penders et Kyle Johnson, ça te fait tes trois gardiens. Mais pour l'instant, là, au moment où on enregistre, c'était le premier mec. Surtout qu'on les. Soyons honnêtes, on les connaît pas. Mais actuellement. Oui. En gardien pro qui peut jouer, on a au moment où on enregistre, mais le reste c'est que des rumeurs. Mais toi tu connais rien au football, Aurélien. Capitaine. Évidemment, ça je le revendique. Sors un peu de ton canapé. Évidemment, je m'en footix. Évidemment, j'espère. Genre il faut un gardien de but pour gagner des matchs, franchement. Ouais, ça Anders. Mais vous avez vu par contre, parenthèse, les présentations de joueurs de l'URC Lens sont sympas. Avec les Simpson, ouais. Ouais, c'est vrai. Je dis ça pour les gens de la commune. Hashtag la RCS. Excuse-moi. Là, tu viens de toucher un point très sensible. Aïe. Je déteste les Simpsons. Complètement cette tendance de mise en truc des transferts avec les vidéos, le marketing. Ça me fait dégueuler. Je déteste ça. Quand le Racing fait avec leurs points cardinaux, là, ou je sais pas quoi, leurs coordonnées GPS, les Simpsons, oh, on parle d'un connard qui va taper dans une balle, on en a rien à foutre. Avant, ça faisait un entrefilé dans un journal. Jean-Paul a signé à tel club. Qu'est-ce que j'en ai à... Ça, c'est le marketing qui continue à s'emparer. Donc, même si j'aime les Simpsons, ouais. Le fait que le RC Lens met ça en truc, non. Ouais, j'avais une vidéo, mais on verra plus tard. Je déteste ça. Alors, c'est marrant parce que je déteste pour le Racing, ça m'a fait. Je fais oh, encore un mec dans le noir, c'est toujours le même à chaque fois. C'est toujours les mêmes présentations là. Ouais. Mais RC Lens, comme c'était pas nous, ça m'a fait rire. Mais je vois ce que tu veux. C'est-à-dire que tu regardes les vidéos du RC Lens? Non. Un type m'a dit. Mais on lui a montré dans la salle d'attente du dentiste. Et il a mis des screenshots des meilleures références. C'est-à-dire, apparemment, il y a des références dans chacun des. Beaucoup de références. Hein. Et c'est dans un forum parallèle auquel je participe. Les Illuminati. Illuminati. Ok. Bon, par contre, il va falloir qu'on accélère parce qu'on a très exactement officialisé 17 départs. Donc on en est très loin là. Donc il va falloir un petit peu. Non, pas tant que ça. C'est écrit dessus comme le port-salut. Oui, mais il y en a qui reviennent. Bon, on a 7 minutes. 17 départs. Il y a la dignité. Il y a le respect de l'éthique. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme autre départ? Oui, mais l'état n'a donc pas changé. Alors vas-y, laissez bosser un peu Alex, il a fait. Ouais, le mec a bossé, quoi, franchement. Patrick Outreau. Voilà. Nancy. C'est pas Outreau, c'est Outreau. Ou pas assez. On l'a pas beaucoup vu jouer, on va pas faire son procès. Aucune idée. Il fait son ping-pong, un petit ping-pong là. Il était marti avec l'oreille là, il repart à Nancy quoi. Voilà. Putain, on sait pas combien. Il connaît toutes les Marie Blacher. Dans le même genre, on avait Emeric Ahmed, pareil, fin de contrat. Ça, c'est fin de contrat. J'ai une catégorie fin de contrat. Ouais. Jérémy Sébastien qui va être transféré définitivement à Bastia. Ça, c'est Sébastien, on connaît. À mon avis, ça a été négocié avec deux boîtes de Tom Yam, mais c'était pas plus quoi. Non, j'ai des vacances tranquilles en Corse pour Marc Allaire, c'est tout. J'ai pas d'indemnité pour Sébastien. Un autocollant corsica ferré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur le Q5. On a alors Senaya, c'est non Senaya, il est en petit parenthèse. C'est fait aussi. C'est un Q7. C'est un Q7. Est-ce que Marc Allaire est un de ces petits merdeux qui se met 2A ou 2B sur la plaque d'immatriculation pour les gens pas être emmerdé en Corse? Ouais. Est-ce que ce genre de conseil? Comment ça il est respecté? Moi j'aurais dans Balgo il y a Ba. C'est un indice. Ça c'est vrai. Bon, voilà. Mais il y a pire. Il y a les mecs qui mettent les plaques des Antilles parce que leur mère, machin et tout, etc. Il y a ça aussi. 972, là. Ouais, voilà. Ouais. Putain. Non, je pensais que c'était important qu'on fasse cette parenthèse parce qu'on a beaucoup de temps. Mm-hmm. Alors, continuons. Non, mais Senaya, Senaya Auxerre. Marine. Senaya Auxerre. Bon. 1 500 000. Ça, c'est honnête. Hein. Ouais, faire trade. Deminguer, est-ce qu'on va le voir bientôt avec Metz? Oui, oui. Oh, bah, logiquement, il marque contre nous. Hein. Oui. Il a été donné, non, celui-là aussi Oui, il n'y a pas de somme, donc c'est donné, je pense. Mais il y a un pourcentage à la part revente. Ouais, on l'a mis dans le rapport RSE. RSE de Sabrina, là, tu sais, CSR. Dans le mec qui vient de Metz, on avait Delaine aussi, qui est parti au Havre. Fin de contrat. Ouais, mais il est quand même parti du Havre. Non, mais il a quand même réussi à trouver le club en première division, Alors qu'il voulait Au Havre, il était sûr de toucher les appels. Non, mais il voulait, de nos infos, se rapprocher de sa famille. Non, pas du tout. Il voulait se reconvertir dans le domaine du vin. Et il avait entamé des procédures. Ah, il est parti au Havre. Moi, j'aurais dit, il y a du vin chinois qui doit arriver au port. Hein. J'imagine bien que le mec avait dit, à défaut, je fais ça parce que de toute façon, le truc. Et puis, footballeur, c'est pas pour moi. Je sais pas, son agent a réussi à dégoter un petit contrat au Havre. Le mec se dit, la reconversion, elle attendra bien. Non, moi, j'ai une autre explication. Les mecs se sont dit, vu comme il est au foot, on peut pas le laisser se lancer dans le vin. Ouais, c'est tout. Ça me plaît. Je valide. Vous êtes méchant. Et donc, Ahmed Emery, je suis désolé, tout le monde est passé dessus comme rien. Je vois pas le contrat et il n'y a pas d'endroit où il va. Lui, il fait peut-être du vin. Mais non, mais je les ai pas dans l'ordre, c'est pour ça. Mais alerte Romain Molina, si tout le monde est passé dessus. Hein. Bon, j'ai Steven Bazeya. Ah, voilà, ça c'est bon. Le Portugal aussi, ça. Défenseur central, ouais. Ouais, il y a beaucoup de transferts au Portugal. 400 000 euros. Donc ça, c'était encore un bel achat, acheté à Nancy l'année dernière. Pour rien faire. Non, il y a deux ans. C'est le tout premier transfert de l'ère Blouko. Ouh, grosse réussite. C'est nostalgie. Souvenez-vous. Est-ce que le CF. Cet hélicoptère sur le Paris-Dakar. Est-ce que le community manager a fait une petite vidéo de ses meilleurs moments? Merci, ouais. Steven. De Steven Bazeya. Tout à fait. Son passage. Mais là, du coup, à Nancy, à l'ESAT, Benoît Pedretti. Merci Steven. Ok. Alors, je pense qu'on a fini parce que j'ai fini quasiment là. Pape Diong à Dunkerque. Il en reste deux. Et Yoni Gomis à Beveren. Bon, après les autres, je vais arrêter. Alors, le gros morceau, Habib Diarra. Ah, bah oui. L'enfant du club. Bonjour. C'est quand même, les DNA, ils ont une tournure de phrase toute faite qu'ils vont pas pouvoir utiliser cette saison. Donc, lui, challenge sportif. Ah ben... C'est la plus grosse vente de l'histoire du Racing. Mais gros challenge sportif, Sunderland. Si tu peux être une star de Netflix, je veux dire, pourquoi tu refuserais? Il y a encore la série? Non, je pense pas, c'est fini. Mais là, ils vont la refaire uniquement pour Habib Diarra. Avec l'arrivée de Diarra. Ils se sont dit, après Lamine Minkone, avoir Habib Diarra. Lamine. Donc, 31 500 000. Voilà, 3 fois plus de salaire. Plus les bonus. Avec les bonus, ça monte à 35. Parce que là, il va sûrement être revendu à peu près 25 millions à Barnsmouth. D'après l'article, des bonus facilement atteignables. Genre, le mec doit louer 20 matchs, des conneries. Il réussit à choper son bagage à l'aéroport. Allez, hop, le million. Il a reconnu sa Samsonite sur le. Facile, allez. Sur le tapis. Attends, parce que des fois, c'est pas facile, parce qu'il y a un mec, il a la même valise que toi. Ouais. Donc, c'est lui qui nous fait le gros du chiffre d'affaires avec Papsar. Enfin, pas, non, pas Psar, il s'appelle pas Psar, il s'appelle Mamadou. Mamadou, ça. Pas Psar, c'est son c'est père. Son père. Alors, ouais. Mamadou, il est arrivé ou il est parti? Mais il est parti. Au moment où on parle, techniquement, il est parti, il n'est pas encore revenu. C'est un genre de chat Schrödinger, tu vois. Ouais. Il est là, mais il n'est pas là. C'est ce que je voulais dire avec Rosenior. Mais bon, c'est pas grave, on en parlera après. Mais il est champion des clubs de. Mais 14 millions. Là, on est dans les tarifs Kellerien. Tu vois, le 14-15 millions, c'était. Non, on sait pas. Quoi? C'est entre 14 et 20. Mais comme le mec qui a donné l'argent, il se l'est mis dans l'autre poche. Ouais. Pour le sortir de sa poche droite et le remettre dans sa on poche gauche. Et on sait pas. Et puis, amortir. Non, mais amortir. T'imagines qu'ils vont de nouveau faire le coup de l'amortissement du transfert. C'est-à-dire qu'ils vont amortir le transfert qu'ils nous ont payé sur le prêt qu'ils vont nous faire. C'est fort. C'est. Et là, quand t'es comptable à la DNCG, c'est dur. Non, mais là, tu peux sucer du. On suce ce qu'on veut. Il y a de quoi en pleurer. C'est une émission ouverte. Mais les gens vont vous dire, de toute façon, c'est comme ça partout dans le foot. Qu'est-ce que vous. Le monde change. Le monde change. Ouais. Et quand tu vas aux urgences, il n'y a personne et t'attends 8 ans et ton grand-père il meurt. Mais c'est normal. Et tu hérites. À cause des enfoirés dans les labos pharmaceutiques à Paris. Quoi. Bah, donc on a fini les départs. Je pense qu'on stigmatise. Non. Bah, il y en a d'autres, mais qui sont négligeables. Ouais. Cambly, machin, déjà on connaît pas. Donc Cambly, Kaba. Canfori, Kaba. Ah, Canfori, pardon. Si, il y avait quand même Moïse Saïdion. Ah oui, bah oui. Ah ouais. En Belgique, là, il est parti en Belgique. À Dender. En plus, c'est des. Ça non, mais c'est un des joueurs les plus vieux de l'effectif, quand même. 23 ans. Ouais, et puis en plus, c'est un joueur mythique. Bah, il a marqué au PSG. Il a pas marqué au Parc, lui? Contre le PSG. Ah, c'est dans son club. Pendant le Covid, ouais. Son premier match. Moi, je crois qu'il a marqué au Parc. Ah oui? Ouais. Non, il a marqué contre le PSG à la Méno, quand la Méno est. Allez, il a peut-être marqué. Non, mais il a peut-être aussi. Je crois qu'il a marqué deux fois quand le PSG. Continuez à discuter, je vous sors le truc. Toujours est-il que là, si on fait l'orient des départs, on a perdu le gardien titulaire, un défenseur central titulaire, le milieu de terrain défensif titulaire, un autre milieu de terrain titulaire. Et les trois quarts des majeurs. Donc globalement, 4 titulaires, donc un tiers de l'équipe. On va dire ça. Ça, c'était les départs. Mais il y a eu des arrivées. Évidemment. On a des conteneurs qui arrivent au Havre, plein de super joueurs. Tout à fait. Il y a notre docker intelligent, Thomas Delaye. Déjà, il y a eu les prêts qui avaient été faits en deuxième partie de saison l'année dernière. Ça compte comme arrivé. Ils ont levé les options d'achat. Les mecs ont validé leur arrivée, ils sont arrivés en janvier, ça compte comme transfert. Alors, ils sont réarrivés en juin, donc ça recompte aussi. Tu les amortis. A priori, en option d'achat obligatoire, il y avait Barco et l'ailier que je voulais. Par contre, on l'avait déjà acheté. Ameyao et il y avait au moment où non, mais celui-là, c'était pas obligatoire. Ah oui, mais t'as raison. Celui-là, il fallait négocier et ils ont décidé de finalement le prendre. Même s'il est dans le cristal, le mec, il a la maladie des eaux liquides, là, je sais pas quoi. Il est tout le temps blessé et il a fait 4 bons matchs. Et il a fait un match de merde contre le Havre où il fait son. Breaking. Ah, attention. Machin Saïdion. Non, comment c'est Moïse. Moïse Saïdion. N'a en effet jamais marqué. On est tous surpris là, tu vois. Merci. Putain, mais c'est terrible, quoi. Il y a des gens qui ont de l'honnêteté intellectuelle, je suis scandalisé. T'aurais pu faire semblant qu'il ait marqué, personne ne l'aurait vu. Mais c'est ça, tout le monde aurait vu. Par contre, quiz, très rapide, comme il n'est pas là, combien de buts a-t-il marqué avec Annecy en 2022-2023? C'est 17. Traité en Ligue 2. 17, il était pas mal, hein. 15 en championnat. 15, je sais pas longtemps. Tu en rajoutes 1 avec la réserve, on est à 16. Et il a marqué en Coupe de France aussi. À Marseille, oui. Là, en Coupe de France. Il en a marqué 4 ou 5 au moins en Coupe de France. Ouais. C'est possible. Il a marqué au Stade Vélodrome, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est quasiment comme le Parc. L'épopée de l'Annecy FC. Ouais, en tout cas, c'est super. Voilà. Mm. Là, il va jouer à Dender. À Dender. Ouais. Le dernier dimanche. C'est un vrai zone d'artiste. Donc, du coup, on a eu des prêts qu'on a dû valider. Qui se sont validés en achat définitif. Et alors, c'était plus difficile de négocier avec un autre club que de négocier avec soi-même. Ça veut dire aussi pour les. Quoique, quand on lit la presse, parfois on a l'impression que. C'est compliqué. La négociation est tendue. Avec soi-même. Avec soi-même. Après, on a eu aussi. Tout le monde n'est pas gémeaux. Cadre arrivé. Non, on a eu. Ah non, d'abord, parlons des retours de prêts. On a prêté plein de joueurs l'année dernière, on a eu plein de retours de prêts. Bizarrement, les gens n'ont pas voulu les garder. Jean Dany de Rodez. Dany Jean. Ouais, c'est pareil. On a eu David Kaiki qui jouait au Portugal. Avec le Portugal. Vous inventez des noms là. Et Milos Lukovic qui jouait bien sûr à RMN. Mais lui, il est vraiment de retour, Milos lui, Lukovic. En équipe 2. On avait Junior Manga qui revient du Havre. Ouais. Vous ne l'avez pas oublié. Il a vu jouer. Il a vu de l'aide. Il a dit Rabi. Ce bon vieux Rabi Enzingula qui revient à Montpellier. Qui était bon à Montpellier. Non. Pour Montpellier. Comme Manga. Seydou So qui s'est fait les croisés à Nantes. Comment l'oublier? Ah ouais. Ce serait dommage. Il est revenu en VSL. Évidemment. Putain, la sexop quoi. Et c'est pas Yves d'Europe qui conduit VSL peut-être. Et Thérèse Mouvis. Quoi? Non, là, c'est toi qui invente là. Ah, c'est génial. Thérèse Mouvis. C'est Thérèse Mouvis. Ah, c'est Thérèse. Ah, oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est un gamin de joueur de 16 ans. Et Manchester City. Non, mais ça, c'est une rumeur. C'est pas encore validé, ouais. Ah ouais, quand la jauge est pas au max. Ah, là, c'est ouais. Bien fait. Hein. Oh, les mecs ont réfléchi. On fait un tableau de tout en l'air. Et donc, du coup, on a eu donc des prêts confirmés, on a eu des retours de prêts, et après, je te rends la main, Alex. Oui, bah parce que justement, à ta demande, Roulian, on va maintenant visionner les 4 vidéos d'annonce de Ah de oui, après, oui, oui, oui. Donc, à commencer par Oye Dele. Non, c'est Oye. Oye. Maxi, Maxi, oh, Maxi, c'est comme déjà un polono-britannique d'un fort beau gabarit. C'est d'ailleurs Monseigneur suit depuis des années. C'est vrai de manière. Avec Loïc Désiré, mais il a un. L'aspect linguistique est étonnant parce qu'il y a le prénom Maxi, c'est gros, et la terminaison elle est petite. Ouais. Oh, oxymore. Ah ouais, j'aime bien. Le joueur paradoxal. Tout à fait. Mais noir, ça n'a aucun intérêt. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça c'est notre. Une de nos premières recrues. Et voilà. Lui, c'est une rumeur ou c'est vrai? Non, il est là. Il est là, hein, j'ai vu en photo. Ouais. Et après, il y a un côté Titi international, puisqu'on a déjà des mecs qui sont en dépôt vente chez nous. Il y a un mec qui est arrivé avec cette très belle phrase, je trouve, qui a dit « Je suis soumis, soumis Koulibaly. » Je suis soumis. Il y avait un mec comme ça, c'est pute et soumis. Il y avait un hashtag, je suis soumis. Non, mais je l'ai pas inventé, je l'ai lu. Hein, et on a mis de l'argent. Soumaïla. Soumaïla, cool. Et on a mis du vrai argent là. Ouais. Pour l'avoir. Il est déjà blessé. Et c'est qui lui? Oh, bah c'est un défenseur central. Il vient d'où? De Dortmund. Apparemment, le mec, c'est le meilleur défenseur central du monde, sauf s'il est pas blessé. Ouais. Et il vaut que 7,5 millions, c'est connu. Les meilleurs défenseurs centrales. Mais c'est parce que t'achètes que un tiers de la saison. Ouais. Parce qu'il a été blessé. C'est comme... Action's Price. C'est ça. Amgou, qu'on a acheté un club Chelsea. Ah, on l'a acheté? Oui, il y a 15, oui, même prix que. Il fait pas partie des prêts. Le même prix que ça, étrangement. Au moment où on enregistre, il n'y a techniquement aucun prêt de Chelsea vers Strasbourg. Mais quel fils ça enfin, ah non, c'est pas officiel gravé dans le marbre. Hein. Quel fumiste. Est-ce que t'as vu une vidéo de présentation avec des points GPS? Non, donc c'est pas officiel. Où il est dans le noir et on se dit, mais qui c'est celui-là? Le mec, je le vois pas. C'est Ménard. Avec trois jours sur Nigeria. Non, mais sans déconner. Putain, le marketing, les mecs, Mais je veux bien regarder la vidéo de présentation, le mec dans la forêt du Neuf avec le chauffeur routier qui klaxonne là en mode. Emmenez-moi au stade. Mais oui, bien sûr. Alors, et encore donc, des arrivées. Comme ça, on a fini. Enfin, c'est assez bien organisé. Merci. Ouais, et puis, on aura quand même passé une demi-heure à dire les noms des gars qu'on connaît pas. Ouais. Là, voilà, donc ça a quand même beaucoup de valeur. On les connaîtra toujours pas à la fin de la saison. Et donc, Demba Diop de. De Belgique. Merci. On n'avait pas prêté. Champion de D2 belge. Ouais, j'adore. Le Pollock là. Ouais, il est sur le Fila. Fila. Sobol est toujours là. Sobol est toujours là. Ça fait plaisir ça. Alors, j'avais mis aussi les surprises. Est-ce qu'il y a un joueur encore dans les tuyaux là qui. Alors, à part tous les prêts de Chelsea, parce que genre le gardien, ça fait 6 mois qu'on nous a dit que ça serait lui, mais bon, c'est pas. Ouais, c'est encore une surprise. Ouais, c'est une surprise. Et il va écourter ses vacances parce qu'il était pas au courant qu'il devait aller à Strasbourg depuis 6 mois. Oui, forcément, il était aux States il y a encore une semaine. Ouais. En vacances d'ailleurs, parce que je l'ai pas vu beaucoup jouer à la Coupe du Monde des clubs. Il y a une rumeur Panichelli. Oui. Panichelli. Buteur de D2 espagnol. Que personne ne connaissait avant la semaine dernière. Il est sûrement aussi bon. Il était génial. Ouais, il est bon que Lukovic. Ouais, mais ils sont bons. Et comme il est nouveau. Donc c'est peut-être même Lukovic avec une période. Mais lui, au moins, il a des matchs faux. Ça fait quand même une différence par rapport aux autres. Non, mais vous qui suivez le foot, vous le connaissiez. Pour la D2 espagnol. Non, parce que je vois des gens sur Twitter, de la commu, qui font comme s'ils le connaissaient depuis toujours. et qui le trouve formidable. Mais ça, c'est un avis que j'ai donné tout à l'heure. D'accord. Ah, moi, je connaissais Valentin. Tu le trouves formidable aussi. Ouais, je trouve tout formidable. D'accord. Bon, donc le mercato, bah, intense. Génial. Alors. Ça a bossé. Comment il s'appelle le nouveau Désiré? Till. Bah, il y a un mec qui a bossé. Grégory Till. Ah, Grégory Till. Ah non, j'avais dans Football Manager, mais comme joueur à Boulogne. Ouais. À Beauvais en 2002. Ouais, non, j'avais dans un club comme ça, avec un B aussi. Boulogne. FC Francis Holm. Il était bon, hein, dans Football Manager. Ouais, avançant, bien sûr. Comme scout, j'en sais rien. Comme recruteur. Ah, mais Grégory Till, c'est le marché français. Alors regardez tous les joueurs qui viennent du marché français. Zéro. C'est lui. Ah ouais. Merci Greg. C'est pas compliqué. C'est zéro. Profitif. Si, Bajic, c'est sûrement du Grégory Till. Un chômeur, Boulogne-sur-Mer. Le mec, en fait, il recrute que des chômeurs. C'est son... Et bien sûr, donc voilà, le mercato n'est pas fini. Bien sûr, on va se régaler jusqu'à la dernière seconde. C'est quand même une blague. C'est... T'imagines qu'il y a encore... Je pense qu'il y a encore des gens qui te disent que non, Ekbali, quand il y a 2 ans, quand il a raconté qu'on serait l'équipe B et qu'on servirait à recycler les merdes du marché domestique anglais et à faire filière africaine... Encore des gens qui te disent pas du tout, nous veut du bien, c'est exactement ça. On vise les 5 premières places avec encore des Liam Rosenior dans les DNA aujourd'hui, il a marqué noir sur blanc avec des gros caractères. On va encore aller chercher des meilleurs joueurs. Pierre Laval a aussi dit qu'il souhaitait la victoire d'Allemagne. Mais il l'a souhaité vraiment. Je suis désolé pour la comparaison. Ouais, non, c'est moche. Moi, il y en a un qui a été élu homme de l'année par Time. Il s'agit bien sûr de Rosenior. Hein. Donc. Je viens de la cerise. Yes. Ouais, moi j'ai la cherry. Cherry bit. Donc voilà, mais donc. En hommage à Rachmaninoff. Tout à fait. Je les ouvre loin pour pas. Ah, c'est très réussi, franchement, c'est génial. Ouais, on enchaîne sans transition. Sans transition, là, je suis troublé. Donc les matchs amicaux, bah, pour faire jouer tous ces joueurs, il faut des matchs amicaux. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a qui joueront jamais en championnat. Crêpe tournir, 5 terrains. Et donc le SRC Colmar, qui s'appelle plus comme ça. Stadium Racing. Le SRC. Ouais, t'as raison. Le Stadium Racing. C'est Colmar. Le Stadium Racing, c'est plus les SRC. C'est le Stadium Racing Club Colmar. Ah, c'était les sports réunis avant. Ouais. Ok. Voilà. À Colmar, il faut que les sports se réunissent pour aller. Vous vous souvenez, Grischka, comment il s'appelle? Grischka. Oui, le président, l'ancien président. Ouais, ils sont frères, ils parlent. Mais lui aussi, t'es dans le business, là, les trucs pharmaceutiques, non? Ah ouais? Ouais, je sais pas. Comme si je connaissais les trucs qui se passent dans le monde pharmaceutique. Je te rappelle que j'ai un OnlyFans. Ah oui, pardon. Bref, assez cher d'ailleurs. Premier match amical contre Nancy. Nancy, ouais, champion de national. Ouais. Waouh. On démarre tranquille. Oh, ça remplace la sélection régionale. Donc il faisait beau, hein, j'avais marqué sur le chou, les saucisses étaient bonnes. Est-ce que les saucisses à Colmar n'ont pas changé? Non. Elles n'ont pas changé de toi. Elles n'ont pas changé. Et c'était facile de se garer, ça s'est marqué. C'est très important pour les choubis pour l'année prochaine. Ah ouais, c'est pas peur. Et venez pas trop nombreux quand même, sinon ça sera difficile de se garer. Parce que du coup, il n'est pas grand, c'est ça que tu veux dire. Alors, les DNA, on dit 3500 personnes. Je pense qu'ils étaient pas loin du compte. Ok. C'est pas si mal. Mais non, c'est pas mal, c'était bien. Mais c'était plus facile de se garer. Il y avait des anciens. Plein de supporters anciens, ouais. C'est fou. Bah, la famille Lucas a été très impressionné par le Racing, c'est une grande équipe. Voilà, et ben ils ont bien de la chance. Les mecs, Moi, j'étais pas hyper bien placé. Donc tu étais notre envoyé spécial. Voilà, bah, envoyé spécial là-bas, mais très spécial. Du coup, j'étais un peu à la buvette, mais bon. Donc, composition d'équipe premier à mi-temps et. Eh ben, c'est 11 joueurs du côté du Racing, 11 joueurs du côté de Nancy. Putain, c'est bien fait ça. Eh hey, waouh. Moi, j'avais un peu peur, mais comment ils vont faire pour, ne serait-ce que pour aligner une défense, parce que. C'est pas vrai, en fait, les mecs étaient là, étaient tous indispo juste avant. Ça, c'est le truc quand t'as piscine. Ils étaient indisposés. Ils avaient leur règle. C'était de Brick et de Brock. Il y a un certain Sissé. Qui a tapé dans l'œil de beaucoup de Ch'toumis. Sissé qui a fait le demi-temps. Ouais. Sûrement un mec qu'on verra plus jamais de la saison. C'est ça, Sissé? Sissé, ouais. Le prénom? C'est qui? Non, mais. C'est qui Sissé? C'est qui Sissé? C'est quoi Sissé? Qui était dans les buts? Johnson. C'est le mec qui joue que en été. Hein. C'est bon. Mais à l'entraînement, il y avait un jeune. D'accord. Dont on a parlé déjà ? Non, Kroker, parce que personne ne le connaissait. Ok, je sais pas. Un jeune. C'est pas un nom alsacien ? Un nom un peu si. Petit, ouais. Si, si, un nom alsacien. Est-ce qu'il a tenté une tactique un peu ? Parce qu'à Colmar l'année dernière, contre Stuttgart, je sais plus qui, c'est là qu'il avait tenté la première fois ces tactiques intelligentes où on dirait qu'on a symétrique, trois défenseurs, grâce, mais en fait on en a quatre, et puis il y en a un qui doit se décaler, et ils avaient rien compris les joueurs. Et il a fait ça ou pas ? Non, on avait joué gratte à Colmar. non, il a rien tenté, hein. c'était ça, un match Carso. Non, mais tous les premiers matchs, on avait tenté n'importe quoi et après. Il y avait encore Patoche. Non, il y avait. Non, Liam. Ah, peut-être Patoche. Patoche a fait les premiers matchs amicaux l'an dernier. Il s'est pris une branlée contre un club turc, contre Fenerbahçe. Mais après, non, mais par contre, Carso, c'était déjà à l'ailleurs. Moi, j'ai vu un match avec Liam. C'est plus intéressant. Donc voilà, ce premier match a eu le mérite d'exister. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de. C'est comme la première crêpe, il y en a toujours une. Voilà, tu as raté. C'est la poêle. Donc par contre, la deuxième crêpe. T'as pas mis assez d'huile. La deuxième crêpe, il y aura beaucoup d'huile. C'est Galatasaray, match de prestige. Là quand même, le marketing. Est-ce que tu penses qu'il y aura une vidéo de présentation du match ? J'espère, avec tous les clichés sur les Turcs, les kebabs, chef, la même chose, chef, sauce blanche. Avec tout, évidemment, j'espère. S'il y a pas ça, un petit truc libéré au Tchalan, tu vois, c'est histoire de mettre l'ambiance. PKK, ouais. C'est fini, PKK. Ils ont rendu les armes. C'est terminé. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a, plutôt de parler du match, on a quoi comme cliché sur les Turcs ? Ils sont forts, ils sont pas turcs. Ils sont moustachus. Moustachus comme en portugais. Ok, ils ont des kebabs. Ils ont des toilettes. Quand on vient de. Café turc. Ils aiment pas les Grecs. Ça c'est vrai. Alors qu'ils bouffent la même chose. Oui, mais alors, on te dirait que c'est plutôt la cuisine turque qui a été importée en Grèce. Ça fait pas plaisir aux Grecs, mais c'est comme ça. Ils coupent pas les cheveux en quatre. Ils coupent pas les cheveux encore. Mais non, parce qu'ils sont barbiers. Ouais. Et ils les font. Et là, ils implantent. Voilà, l'investigation, qui est-ce qui veut se faire repousser les cheveux? Franck Leboeuf, Chelsea, multipropriétaire. Ok, est-ce que le futur président, entraîneur, joueur du Racing, ça serait pas Franck Leboeuf? En échange d'un plan. S'il arrive à mettre ses pompes, oui. Ah oui, alors je note. Franck Leboeuf. Voilà, vous mettez la charrue avant Leboeuf. Non, on a rien dit sur ce match. Et le match, il aura vraiment lieu dans le stade de Galatasaray et tout. Alice Amiens, il y aura tous les Turcs d'Allemagne revenus au bled. Ils vont aller à la place du Capo et tout. Ils vont se dire On fait comment, ouais. Bah franchement, je l'ai dans les débats. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'ambiance à ce match-là. Bah, si, c'est la folie. Mais qu'on va voyager jusqu'en Turquie pour le truc. Ouais. Et quand on revient de Turquie, on revoyage pour faire le stage d'avant-saison. En Autriche. Ça n'a absolument rien à voir. On prend la route de Suleiman 12. On prend la route de la soie. On est arrêté par les croissants de Vienne. Et après, les gens disent que c'est une mission de vieux. Excusez-moi, mais c'est quoi ça? Faites un effort. Ouais, mais entre Hambourg et Strasbourg, il n'y a pas grand-chose. Bon, le résumé, c'est pour l'instant, on se fait chier quand même. Bah ouais, au niveau des matchs amicaux, il y en a d'autres, mais je pense qu'ils ont encore moins d'intérêt. Ils ont été à peine fixés là. Et qui regarde? Il y a eu Udinese. Udinese et Heidenheim. Voilà, le 30, puis le 2. Si j'ai quand même un coup de gueule à la Rouliane à poser, je le pose là, comme ça. Tu veux pousser un cri? Je vais pousser un cri. Les matchs amicaux, le club, il a communiqué uniquement genre sur les diffusions télé. Ah oui, j'en passe au BFM Alsace. Les matchs sont sur BFM Alsace, regardez. Et si je veux aller au match, je fais comment? Ta gueule, tu vas pas aller voir. Moi, j'ai un collègue qui a voulu sympathiser avec moi, qui m'a fait, t'as vu, il y a un match à Nancy, ça passe sur BFM Alsace. Il y a plein de mots qui vont pas. Il y a rien qui va. Match amical, Nancy, BFM Alsace, il y a rien qui va. BFM Alsace, un repère en plus de, enfin bon, bref, je veux pas. Voilà. Non, mais par contre, du coup, aucune communication pour aller. Déjà, Colmar, on savait pas trop. Ces matchs ont été un peu ficelés. Enfin, Colmar c'était encore assez ancien, mais là les matchs Heidenheim et Udinese, ça a été ficelé il y a une semaine. Alors qu'on est quand même déjà. Quand ils étaient sûrs d'avoir des gars, quoi. Mi-juillet, je sais pas, c'est un peu dans l'improvisation et dans l'opacité générale. Mais alors pourquoi tu parles du travail de notre ami Kader Mangan. C'est pas très sympa. C'est Kader Mangan qui s'occupe de l'organisation. C'est un emblème de l'ancien Racing. Ouais, justement, donc là, attention. Attention. Tu penses qu'il est aussi un peu sur la sellette ? Touche une zone sensible. Non, il a dû prendre son téléphone, son combiné pour appeler tous les clubs disponibles. En PCV ? Si je l'appelle en PC. Mais c'est quoi Heidenheim? Heidenheim, c'est un club de Bundesliga. Oui. Même si c'est un club qui n'existait pas à l'époque où le sport s'est passé. Heidenheim, ils sont en D1, ils ont même été en Coupe d'Europe conférence comme nous. C'est pour ça. Je tombe des nues. Et dommage, ils ont joué l'Europa Conférence, là, comme tous les grands clubs. Kadermangan, ils tombent des nus aussi. Ouais. Il a bien le nu. Ils tombent des nus, comme on dit. Mais il fait pas que les tomber, hein. Voilà. Donc on peut dire que Match Meko. Ça se jouera en Autriche, c'est ça? Alors, Udinese. Non, Mayence, c'est à Mayence. Heidenheim. Mayence, c'est à Mayence, ouais. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est le rapport avec. Ça, c'est le match de la commission de la navigation sur le Rhin. Ouais. C'est le derby pour savoir qui aura le siège. Le Rhin derby. Ok, bon, mais c'est super, hein, tout ça. Voilà. C'est le problème des émissions d'avant-saison. Hein. Tout à fait, j'étais pas du tout en train de manger. Alors, c'est bien parce qu'on a rattrapé le retard sur le mercato du jour. Ouais, c'est vrai. Et ça, le Racing va peut-être faire pareil. On a beaucoup investi sur le mercato. Il y a un groupe en arrière qui revient sur le groupe maillot jaune parce que ça roule pas. Enfin, ouais, c'est les mecs se sont relevés. Voilà. Et là, on arrive justement dans le premier col. Dans la vallée. La Bora se fait avoir. Le début de saison. Et le premier match, hasard du calendrier. À Metz. À Metz. Un derby un petit peu pour commencer. La dernière fois qu'on a joué à Metz, c'était aussi en début de saison. Diarra gagne là-bas. But là-bas, oui, c'était en début de saison. C'est pas complètement hasard, parce que les clubs peuvent faire des demandes pour le début de saison. Il y avait Okidja à l'époque qui nous avait fait un petit cadeau. Alors les clubs peuvent demander à recevoir. Ou alors à jouer l'équipe qui était l'année dernière dans le haut du tableau, au milieu. Et là, ils ont demandé une équipe relégable, c'est ça? Ils ont demandé une équipe relégable. J'imagine. Alors moi, j'aimerais bien commencer par une petite équipe. Voilà, si. Ah ouais. Pourquoi Strasbourg est relégable à chaque journée de championnat à cause de notre ordre alphabétique? Tout à fait. Mais est-ce que les tribunes sont commencées? On aura le droit d'y aller, non? Bah ça baisse. Il n'y a rien qui a été dit encore. Mais j'avais vu que les tribunes étaient suspendues à la fin de la semaine dernière. Les tribunes messines. C'est exact. Ouais. Les deux copes messins sont suspendus. Genre pour je ne sais quelle raison, hein, peut-être parce qu'ils sont de l'OM. Mais ils sont cons, je crois. J'avais vu. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont cons. Ouais. Et pour une fois, je trouve que le préfet a eu un petit peu du nez quand même. Ouais. Et c'est la même critique. C'est le même le préfet de chez nous, il gère Metz aussi. Oh merde, on fait de la région à la vitesse, tu crois? Ils sont pas divisés. Qui c'est qui a un préfet à Metz quand même? Il y a un préfet à Metz. Qui a remplacé Josiane en fait? Bah, c'est un autre gars, ouais, vite coach. C'est un ancien du cabinet de Juppé. Il est droite aussi. Ah, ça va. Nous voilà rassurés. Ouais, par contre, le secrétaire général de la préfecture de Strasbourg est parti à Bayonne. Ça, c'est un transfert qu'on n'avait pas listé. Ouais, et lui, il est de Metz. Ah, c'est toi le truc à trois bandes. Ouais, et fan de Michel Sardou. Écoute. Et sinon, il. Non, mais c'est encore des hommes bien dans la rue, il danse sur le dos ou sur le côté? Ça dépend de sa femme. Ça dépend de quelle femme. D'accord. Et donc on va à Metz et donc on pourra aller à Metz. Ah, ça, je ne sais pas. Ça, tu peux. Mais tu peux. Oui, ça, on peut. Et en tout cas, il y a des trains. La circulation est libre. Mais le Racing ira à Metz et il y aura une vidéo. Ah, sûrement. Sur les points cardinaux. J'espère. À Didyland. Wally Bistrou. Wally Gator. Ouais, c'est ça, tiens. Avec Storky à Didyland qui se compare avec Wally Gator, tu vois. Putain, ouais, le clash. Ouais, c'est plus haut. Aussi beau machin, là. Ouais. Voilà, alors là, on peut commencer à débattre. Il y a de la poire, il y a de la cahuète, on peut débattre. Est-ce que vous pensez que c'est un bon tirage, complètement au hasard, de jouer Metz au premier tour, ou est-ce que c'est un piège? Au premier tour, ouais, je sais pas. Moi, je pense que des gens intelligents doivent parler d'abord, et après, j'ai un truc à dire. Alors, on cherche le mec a mis la pression, c'est des gens intelligents, personne va oser se lancer en mode. Ouais, bon. C'est. Voilà, quoi. Ah, je vais y avoir. Au contraire. ça va être toujours pareil, quoi. Le Racing sous l'air Blouko, ça va être. Il faudra s'y habituer. Globalement, une dizaine voire quinzaine de départs par saison et une quinzaine d'arrivées par mercato d'été. Du coup, ça veut dire par la force des choses, il n'y a pas de magicien. Ça veut dire que forcément, les premiers matchs, ça peut pas être. L'équipe pas finalisée, quoi. Évidemment. Pas rodé, ouais. Donc, du coup, là, quand tu joues à Derby, la seule chance que tu as, c'est que tu joues Metz, qui est globalement une équipe à chier. Donc, tu peux quand même, sur un malentendu, gagner le match. Mais les débuts de saison, à mon avis, vont être forcément un peu compliqués. Mais parce que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire tourner la lessiveuse à joueurs et. Que l'équipe soit complète seulement au 31 août, on a rien à foutre, tu vois. Mais ils ont quand même. Il y a un match quand même très important, il faudra quand même éviter. Ah, mais ils en ont rien à foutre. Ah bon ? Ah non, ils en ont rien à foutre. Je pense qu'ils en ont strictement rien à foutre. Ah, pour ma part. Ah bah. Ça fera des glisses. Et la lumière fuit. En tenant compte exactement ce que vous avez dit, donc il faudra s'habituer jusqu'au 31 août, etc. Et puis, moi j'y crois encore aux sportifs et tout ça. Je pense au contraire, il aurait été mieux de tomber sur une grosse équipe. On perd de toute façon parce que l'équipe va pas être organisée. Et puis comme ça nous laisse le temps de battre Metz plus tard dans la saison. Voilà. On se serait été mieux d'avoir le PSG. Les avis sont mitigés, hein. J'entends pas de gens qui disent. J'ai l'impression que les gens n'ont rien à foutre. Et ça c'est grave. Voilà, alors, j'ai jamais eu ça. Pour ma défense, moi ma saison commence le 9 novembre. Donc, si tu veux. D'ailleurs, tu voulais en parler, t'as un message à faire passer. Non. J'ai entendu les mots Marc Keller enculé. Pas du tout. Mais alors là, c'est dans l'autre sens. Je note le timecode pour éditer là. j'ai une question Intel peut-être. Tout à fait. Qui va exactement dans le sens de. C'est ça. Sur Racing Stube ou sur Twitter? Racing Stube. Tout à fait. Alors on y va. Effectivement, qui a posé cette question? Non, c'est là. Oui, je l'ai là aussi, mais j'arrive Patrick, pas à voir. Patrick. Dans la logique des optimisations, non, dis-moi un nom et je te le sors. J'en sais rien, ouais. Hugo 67. Je voulais poser la question. Non. Izzy Osborne, le prince des ténèbres. Moi aussi, le sport show. J'avais de la nostalgie. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Non, c'était tout, c'était une des dernières questions. Ah, c'était une des dernières? Alors, je suis prêt. Elle a QPC de Marie. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Non. Suis-je le seul à trouver scandaleux de priver les abonnés Nord et quart de virage Nord-Ouest de 5 matchs sur leurs abonnements? 2 points d'interrogation. Deux. Ok. Alors, quand la Sud a fermé, alors A, sans accent, fermé ER. Quand la Sud a fermé, j'ai mes yeux qui saignent. On a bien réussi à tous les recaser, quitte à déplacer. Alors là, le ER est bon. Déporté. Il manque encore là. Déporté, ouais. Alors, timecode. a déplacé tout le monde façon puzzle partout dans le stade. Point de suspension, point d'exclamation. Question de Ultra-6-7. Ultra 6-7, ouais, dit tout haut. Compris. Là, ça dénonce. Question. Ça dénonce. Putain. Alors, Ultra 6-7, je le note. Ouais. Pas oublié. Mais cela dit, effectivement, je suis dans la même situation. Le quart de virage Nord-Ouest. Ouais. Depuis, je crois à la théorie du grand remplacement. T'avais raison. On s'est fait grand remplacer par la Sud. Parce que du coup, le scandale ultime, c'est qu'il y a des gens l'an dernier de la Nord qui ont dû bouger de leur place pour faire place à la Sud, mais que la réciproque n'est pas vraie. Oui, puis là, il y a plein de places, plein de nouveaux abonnements. Allez-y, j'ai plein de places. Ah bah, mais pas pour nous. Mais je pense que c'est le principe du nouveau Racing, c'est on vous fiste. On chie à la gueule. Et il faut sourire. Et on en a rien à foutre, et vous devez encore dire merci. Mais on paye abonnement 10 euros de moins. Je suis pas d'accord. Il y a une hotline qui est tenue. Votre appel est très important pour nous. Et il est susceptible d'être enregistré. Et c'est pour ça que vous pouvez vous le plier ou le carré. Voilà. Et donc, moi, je le sais, Amélie de Glace. Alors, l'abonnement n'a pas augmenté? Non, il a même baissé de 10 euros. Voilà. Mais pour 5 matchs de moins. Voilà, de quoi. Non, mais alors ça dépend, parce que en fait, si t'es dans la Nord, comme tout le découpage a changé, parce que je sais pas si vous avez vu le nouveau découpage stats. Voilà. Ouais. Et donc en fait, comme ils ont replacé des gens, en fonction de la zone où t'as été replacé, en zone 2, 3, 4, moi je suis en zone 2, alors je paye plus cher, mais il y en a qui vont payer plus cher. Ouais, si t'es dans le gouvernement général de Pologne. C'est bon si tu partais avant le match, comme la moitié de la Sud qui est allée en Nord. Ah, c'est ça, les abonnés de la Nord qui se barrent avant la fin du match, ils ont demandé une ristourne. En fait, c'était des Sud, ouais. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question vitale comme ça qui est intéressante avant d'attaquer le vif du sujet? Bien sûr. Qui est la Coupe d'Europe, je vous rappelle. Tu veux que je pose une question Coupe d'Europe, du coup, pour faire la transition, ou On s'en fout. Ok. Dans la logique d'optimisation des actifs Blueco, comme on était sur les transferts à un moment, je vous le fais à contre-temps, mais c'est joli le contre-temps. Contre-pied. Tout à fait. Panichelli ayant été acheté 3 millions plus cher que Emega, deviendra-t-il le titulaire indiscutable? Qui ça? Faco 68 sur Panichéry.com. Panichéry. Il n'a pas signé encore. Il n'est pas encore assez. Voilà, mais voilà, le monsieur n'a pas vu la jauge. C'est une bonne question. Est-ce que Emega va être cette année déboulonné? Emega de la première saison ou Emega de la deuxième saison? Bah, ou juste Emega? Est-ce que Emega sera là cette saison? On a la jurisprudence. Ouais, c'est le mec le plus cher à acheter et il joue pas les matchs. Donc il n'y a pas de passe droit avec Luka. Bizarrement, lui, on n'a pas vendu 400 000 euros au Portugal. Drissa a dit. Je pense qu'à un moment donné, ils l'ont mis dans la colonne Excel et ils se sont dit, ah, quand même, ça pique un peu. Là. Mais j'ai vu une news passer là, tu sais, le relais, les mecs qui ont les conteneurs en vêtements qui ont dit ils arrêtent de collecter. Mais en fait, ça se trouve, on a essayé de mettre Scylla avec Scylla dedans, ouais, dans le conteneur. Les mecs ont dit, ah, marre, on arrête. Quoi. Pourquoi ils arrêtent de collecter? Alors c'est super intéressant en fait. Ouais. C'est en fait ce truc là était toujours sur une économie très fragile parce que les fabricants de vêtements payent une taxe pour payer le recyclage et un autre élément c'était que de temps en temps tu récupérais des trucs bien qui partaient en friperie qui aidaient à valoriser la filière. Okay. Et maintenant que tout le monde achète de la merde sur des sites chinois qui payent pas la taxe, ouais, ils foutent ça dans les conteneurs à vêtements en mode c'est facile, c'est dans la rue et du coup en fait les filières tirent la langue. Parce que bah, d'une part, ils sont moins alimentés par la taxe parce que les Chinois ils disent on n'a rien à foutre. Et en plus, toi de temps en temps, ils récupéraient un pull Armor Luxe qu'une petite vieille avait mis par erreur. Saint-James. Ouais, voilà, ou Saint-James. Et puis bah, ça pouvait partir 20 balles en friperie. Et en fait, c'était de la marge pure, tu vois, c'était de la marge à 100%. Et en fait, c'est un vrai sujet parce que tous les trucs style Emmaüs et tous ces machins crèvent un peu de. De la fast fashion. Ouais. Alors, ce que tu veux dire, si je lis derrière les lignes. C'est que avec Blueco, c'est fini de la friperie quoi. C'est parce que genre on va vendre. Il y aurait plus des Thomasson. Fast fashion, c'est-à-dire que tous les pulls Saint-James qui sont les Habib Diarra, hein, c'est ça qu'on voulait dire. Ouais. Habib Diarra. Voilà, ouais. C'est les mecs qu'on pouvait vendre et trucs. Quand on les aura tous. Non mais il y a un autre problème, c'est que des boots. Bah, c'est ça, c'est Vinted. Tu vois, maintenant les gens aussi à l'époque ils filaient le truc à Emmaüs, maintenant ils le mettent en vente sur Vinted. Ah putain. Ah, tu vois, genre quand Kittel, son port Jartel lui plaît plus, ouais. Et il le met sur Vinted. Tu vois, ça et la mort du hashtag, ça me tue. Bah, surtout le hashtag port Jartel qui est mort. Avec un pull Saint-James sur Sean. À propos de port Jartel, vous voulez une autre question? Parce que tant qu'on y est là, on peut y aller. Une question de Ajax.f. On est en avance. De RacingShow.com. Question tabou. Est-ce que Hathor a changé de pseudo, de club, de sexe? Alors, j'ai entendu qu'il s'est réabonné. Oui. À côté de toi. Oui. Voilà. C'est une info. Bah voilà. Donc il a pas changé de club. Il a peut-être changé de sexe. Mais pas de club. Parce que c'était une des questions. Bah, s'il avait changé de sexe, il serait parti dans la tribune Sabrina. Mais ça c'est vrai. Et je pense que sa détestation de Sabrina est supérieure. Je trouve qu'il est assez bienveillant. Pas avec Sabrina. Donc voilà, non mais c'était pour faire une question de plus, hein. Ouais, on parlera pas cette année. La réponse est qu'il n'a pas changé de club et pour le reste, cela ne nous regarde pas. Il n'a pas changé. Non, et toujours ce jeune homme étranger. On peut dire, ah, on peut dire d'Alida. Qui n'était pas assez riche. Une question d'Alida. Non, c'est Julio Iglesias. Ça, c'est question d'Alida. Évidemment, elle est excellente cette question. Mais elle est où? Krutenauer, là? Oui. Ok. Il venait d'avoir 18 ans. Par souci de cohérence, la musique d'entrée des joueurs sera-t-elle... Il venait d'avoir mes fils. Il était fort comme un homme. Beau comme un enfant, beau comme un homme, un truc comme ça. C'était l'été, évidemment. Bah, très bonne question de Krustenstein. Mais il y aurait une logique. La question, c'est est-ce que la musique d'entrée des joueurs sera-t-elle Il venait d'avoir 18 ans de Dalida par Krutenauer, qui vient de s'inscrire et qui avait une deuxième blague. Je vous la lis. Non, mais c'est Dalida, c'est pas qui a-t-il dû... Qui, ah oui. Qui a-t-il dû passer le BAFA pour pouvoir savoir comment réagir face à Dalida? Merci. Déjà, il est poli. Ouais, puis j'aime bien, moi, les genoux nouveaux qui posent des questions. Non, mais un speaker d'Alida, il y aurait une vraie logique, tu vois. Après, un mec qui savait pas articuler, une nana qui avait un œil qui disait merde à l'autre, tu vois. Après, il y a un pied beau, Goebbels, c'est bon, on a fait la trilogie, tu vois. Donc, Krutenauer, bien vu. Voilà. Donc, genre, Hathor, Goebbels. Oui, Hathor. Résumé de ma question. Deux très grands écrivains. je pense qu'on va quand même parler un petit peu de ce début de saison parce que là les questions Nittel sont intenses, genre il faut s'en garder un petit peu. Ouais, bien sûr. Donc le deuxième match, on ne sait pas contre qui ce sera. Nantes. Non, parce qu'il y a la Coupe d'Europe, presque Coupe d'Europe. Le barrage de Conference League. Ouais. Alors le barrage de Conference League, c'est un match de Conference League. C'est dans la compétition. Oh. On aura le petit patch Conference League. On aura la musique de la Conference League qui doit être composée justement par Goebbels, sûrement. Tout fait. Donc le barrage qu'on avait fait, le barrage qu'on avait fait contre Francfort, c'était aussi un match. On avait la musique de l'Europa League et on avait le patch. Qu'on a tous pas les deux d'avant. Mais pas les deux d'avant, exactement. Je crois que je l'ai, la musique de la conférence League, pour de vrai. Bah vas-y, hein. Ça va, c'est André Rieux. Bon choix. Je pense que c'est pas ça. Ah bon, je pensais. Mais ça se tente, ça. Filzer pourrait avoir les larmes aux yeux, tu vois. Putain, c'est trop beau, j'en ai chié tellement. Quoi, là, ça y est. Oui, qu'est-ce que. Oui, bah alors. Donc voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas où. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas qui. On sait quand. Tirage le 4. Tirage le 4. Avant que le match soit joué. Il y a plein de chances au grattage, je crois. Le 4, on saura. Qui on joue. Quel il y aura deux potentiels adversaires qui se rencontrent entre eux et on prendra le vainqueur. C'est comme au baby foot, comme au baby foot, on prend le vainqueur. Je pose 2 euros sur le bord du baby foot et d'or 2 francs. 10 francs, 10 francs. 2 francs. Et vous avez vu qu'on est les derniers qui sont tête de série. De non, selon les projections, ouais. Ça peut encore bouger. Mais parce qu'en plus, on récupère le coefficient de la France, tu vois. Ouais. C'est la France, monsieur. Ouais, c'est ça. C'est comme quand ton père t'a placé pour un job d'été. Tu vois, c'est ça. Alors moi, je peux vous dire contre qui on joue, moi, déjà. On joue contre le Sparta Prague. Voilà. Quoi ? C'est super. Ah, ça, c'est très bien. Ce qui est bien, c'est à peu près la seule équipe qui a à peu près autant de voyelles que de consonnes dans sur lequel on peut tomber. Parce qu'il y a quand même des beaux morceaux, hein, j'ai vu dans les possibilités. Je suis passé devant le stade il n'y a pas longtemps, c'est sympa. En plus, Prague, c'est accessible. Ouais. Ouais. Mmh. Voilà. Ouais, pas le boulot, ouais. Et ça paye. Par contre, c'est pas de l'euro. Attention. C'est ici que vous l'aurez entendu la première fois. Que c'est la couronne. Hein. Voilà. On est clair. La couronne. Non ouais, c'est la couronne. Mouillé. La couronne tchèque. Des possibilités, mais à peu près 250 couronnes, c'est 1 euro. Hein. La couronne. Non. 250. Non, ça fait 10 euros de. Non, c'est pas ça. Plus que ça. Ça dépend de l'heure. Et après, c'est la rondelle. Bon, alors en tout cas, les bières sont pas chères. Ouais. Les bières sont pas chères, elles ça c'est l'info. Elles sont bonnes, c'est quand même. Les types en tchèque, c'est 6 bières. C'est ça, 250 couronnes, c'est 10 euros. Ah voilà. Ah voilà. C'est ce que je disais. N'hésitez pas, si vous avez des potes de conversion, écrivez à Radio Stoub. Le règlement est sur le site. Tout à fait. Et n'oubliez pas une enveloppe pré-timbrée. Et on ne pourra pas vous répondre. Et pour ça, vous envoie la petite calculette Crédinit, comme à l'époque avec les euros. Absolument. La conversion. Voilà, donc ça, c'est voilà, ce match, et on l'attend tous avec impatience. Oh là là. Est-ce qu'on a une certitude aussi sur la vidéo de présentation? Oui. Sur le premier match. Est-ce qu'il est à domicile ou à l'extérieur? Je crois qu'on ne sait rien. Non, on sait rien. Si on est tête de série, est-ce qu'on joue le match retour non, à l'extérieur? Le retour est à Prague. Donc Alex sait. Non, mais je peux pas en parler, mais ouais. Ah, ok. Le retour sera le 28 août. Voilà. Hein, c'est beaucoup de gens. Alors, j'ai quelques adresses de resto à Prague, alors n'hésitez pas à écrire, laisser un commentaire, voilà. Liker la vidéo. Un petit resto avec des trains, un abonnement. Train qui apporte ton burger. Oui, un restaurant qui t'amène pour les fans du rail. De Marklin. Et en fait, tu peux le manger, c'est une maquette de train qui t'amène ta boisson et ton truc, c'est super. C'est vraiment super. J'avais choisi une blague Chamani, mais personne. Oui, j'avais une autre blague, mais je la ferai pas. Avec des trains et un rail, voilà. Et l'autre grand écrivain. Oui, tout à fait. Mais les gens disent toujours, mais le peintre ou l'écrivain, lequel était le pire? Les deux, les deux, je sais pas. Donc voilà, un match, on est impatient. On en reparlera sûrement. Ou pas. Et donc, juste pour poser un peu le contexte, on est d'accord que si, par miracle, on a une double confrontation, on en ressort victorieux, nous serons qualifiés. Pour la phase de poule. Pour la vraie. Avec 6 matchs, 3 à domicile, 3 à l'extérieur, mais pas contre les mêmes équipes. Non. C'est-à-dire, c'est des poules de. Ah d'accord, 7. Où tu rencontres 6 adversaires différents, mais. Non, c'est pas la Maxi Pool, là. Non, non, c'est aussi une Maxi Pool. Ah, c'est une Maxi Pool, ouais, ils ont tout fait. Ah, c'est même pas ça. Modo Maxi Pool. Ok. Et au tirage au sort random, tu vas avoir 6 adversaires, c'est ça? Enfin, ouais, en fonction de leur niveau de. Et n'empêche que pour les nostalgiques, il me semble qu'il y avait une formule de l'Intertoto où on faisait pas aller-retour. Ah oui, puisqu'on a joué à Malte. On allait là-bas, mais après on recevait quelqu'un d'autre. Quand on a joué, quand on a joué la coupe de l'UEFA. Caterinbourg. Ouais, quand on a joué la coupe de, on n'a pas joué Rome, ils sont pas venus jouer à domicile. Voilà, c'était exactement, c'était. Mais c'était, ah, c'était ça. Mais ouais, c'était déjà, vrai. Mais par contre, ça avait fait une seule saison. Ouais. Après la maxi pool, ça a l'air plus rigolo. Parce que la Ligue des Champions, ça avait l'air assez drôle. Vous savez le maxi tête sur Canal. Oui. Ok. C'est un jeu. La maxi pool, c'est très bien. Mais c'est 2005 la Coupe d'Europe. Non, mais ça veut dire que. Imagine. J'imagine. Je parle d'un concours de circonstances. Ouais, Nakash. Ouais, Nakash. On arrive à se qualifier en poule. Maccabi. On arrive à se qualifier en poule. Et là, tu vas jouer 6 matchs. C'est qui? Et tu auras 3 à domicile, tu dis ouais, et tu as la 3 à l'extérieur. Les déplacements en Coupe d'Europe, c'est quand même le truc qui est. Moldavie. Tu peux possiblement te tirer des tirages au sort. Mainz, Grasshopper. Ouais, c'est super grave, à 2 heures de chez toi. Ouais. Et à domicile, tu reçois des clubs encore plus pétés, où il n'y aura personne pour aller chez eux. Un club ukrainien, où il y aura 6 personnes. Voilà, un club ukrainien qui vient à la Méno avec 0 personne dans le parquage. Un club, luxembourgeois avec 200 mecs, qui viennent en fight-up. Moi, je dois bien aller dans le parquage, si c'est avant novembre, je sais bien. Il y a un club Gazaoui aussi, évidemment. Personne, évidemment. Là, c'est pas. Alors, la vraie question. Et donc, du coup, il y a une fonction random où ça peut être super cool. Si c'est un club Gazaoui, et ça peut être vraiment. En parkage. Ça peut être vraiment claqué au sol. Selon les trucs, tu pouvais avoir des déplacements super et des matchs à domicile moins bien. Non, on va jouer Mainz, c'est sûr. Ouais, voilà, quoi. C'est un peu le syndrome Basel. Heidenheim, Mainz, on peut faire la totale parce que dans le match qualificatif, on peut tomber sur Lausanne. De notre ami. De notre ami, Peter. Mais tu veux jouer la Coupe d'Europe, tu veux pas jouer avec tes voisins, quoi. Oui, c'est ça. C'est pas la Coupe des villes. Tu veux jouer, jouer en Transnistrie, tu veux jouer dans des pays comme ça. Au Karabagh. Exactement, tu veux, t'as rien à branler de la Suisse. À Vladivostok. Voilà, mais on peut aimer les amis quand même. C'est quoi cette histoire là? La Coupe d'Europe, c'est l'exotisme, c'est loin, c'est lointain. La Suisse, c'est exotique. La Coupe d'Europe, déjà, c'est des. Tu vas aller manger dans un restaurant suisse, c'est exotique, hein. Tu repars pas, on est au même état que j'ai. On n'a pas tous autant d'argent que toi. On n'a pas les moyens. Je vois que monsieur foot de foot a les moyens. Justement, j'y suis allé une fois, et puis depuis, je suis obligé d'aller courir le cachet à Radio Stube. Est-ce que vous voulez que je vous cite, quel est le club du Haut-Karabagh le plus connu? Ah, mais si, il y en a un qui est connu. Sheriff Tiraspol. Ça devient vraiment une transmission culturelle. Karabakh. Bah, c'est Karabakh FK. Bah oui, Karabakh FK. Mais c'est pas les Lyonnais qui ont joué là-bas ou un truc. Saint-Étienne. Non, les Lyonnais, à mon avis, ils sont allés faire la guerre là-bas, mais c'est. Ils jouaient à Bakou. À Bakou? Ah, ça, c'est pas cher. À l'Azerbaïdjan, ouais. C'est pas loin. Ouais, ça va aussi être une équipe à Bakou. Ça. Alors en parlant d'équipe à Bakou, excellente transition. Merci. Quel est le premier match à la Méno en championnat? Nantes, une équipe à Bakou. Alors Antoine Comboiré n'est plus l'entraîneur de Nantes quelques mois. Parce que je crois qu'il a les tickets remboursés. Il peut aller chez lui pendant 3 mois, c'est moins cher. Oui, il file encore les tickets, c'est ça. Comment s'appelle les tickets valeurs? Non, les vacances. Oh, j'ai fait ça. Chaque vacances. Non, mais pour aller dans les deux. Dans les tops. Ils avaient des billets d'avion spéciaux. Ouais, spéciaux pour. Bah, c'est pas facile, hein, c'est cher. Air Liberté. Non, ça avait un nom. Les billets Corail. C'est les billets pas sponsorisés, mais ça avait un nom. Corail. Et donc on reçoit. Alors. Donc on est tous d'accord que Gaston Floss. Personne n'a aucune idée de quoi ressemble l'équipe de Nantes. Je pense que c'est encore pire que si, là, ils avaient ils ont un entraîneur. Là, ils avaient un joueur complètement. Ils avaient fait un transfert complètement punk. Là, faut que je vous le retrouve. Mais c'est qui leur entraîneur d'ailleurs, du coup? J'ai pas su. Un Portugais de nouveau? Ou ils ont repris Derzac Carla? Non. Allez, Lodzic? Vous voulez que je cherche vraiment? Parce qu'il y a une bouteille de vin à ouvrir là. Louis Cavis? Jean-Vincent. Non, c'est un. Jean-Vincent Placé. Jean-Marc Ayrault. Vous êtes ivre. Non, j'ai vu, c'est un adjoint d'une. Truc pas cher. Philippe Mao. Ouais, voilà, un truc comme ça. Dis pour envoyer une candidature spontanée. Entraîneur. Louis Castro. J'avais dit portugais. Dunkerque. Oui, ils l'ont. Et Dunkerque. Arraché à Dunkerque. Il faut être courageux pour aller arracher quelqu'un. De haute lutte. Et arraché à quelqu'un à Dunkerque, le pays de Surcouf. C'est vrai. Non, Surcouf, c'est. Non, c'est Saint-Malo. Ah mince, t'as raison. Dunkerque, c'est Jean Bar. T'as mal regardé le Tour de France avec ouais. Franck Ferrand. Ouais. On n'en peut plus, le Franck Ferrand. Il a parlé des deux. Là, faut arrêter, Franck Ferrand. Hein. Enfin, je sais pas si vous. Il aurait pas dû commencer, disons. Ça a toujours été un truc de droite, quoi. Mais. Ouais, mais la Franck Ferrand, putain. Ah, Wikipédia. Alors, il paraît que c'est l'ex de Stéphane Bern. De qui? De Stéphane Bern. Ah ouais? Ouais. Attends, mon épouse m'a dit ça. Je m'en bats. Oui. Ah oui, j'ai retrouvé. À Nantes, ils ont récupéré Youssef El Arabi. Ah oui, 38 ans. 38 ans. Est-ce que ça, c'est pas un transfert Pablo Coco? Il jouait pas chez nous, lui. Non, mais il joue à Caen. Il peut pas arriver, il a été arrêté à Poitiers. Il a réussi une super carrière à Granada et Olympiakos. Voilà, Youssef El Arabi. Donc, franchement, vous allez vous régaler fin août. Il a semé. Donc là, non, par contre, on tremble, j'imagine. Ah bah dans les prisons, dans les prisons de Nantes, Dans les prisons sont à Nantes, hein. Ah oui, attends, je vais faire un petit coup. Limonade pour tout le monde. Relâchez le chien. Champomine d'abord. Quelle référence. Donc ouais, bon, Nantes, là c'est le premier match à la Méno, là, surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir les mecs qui étaient censés avoir leur abord au nord, qui sont devant le stade, ouais, qui font un sitting. Le premier match, c'est Lille, le 9 novembre. Et tous les VIP, est-ce que dans la tribune sud, c'est déjà en place, les bordels? Bah alors, tu sais que la tribune sud, vous savez, vous connaissez l'affaire quand même, la tribune sud qui a été ruinée par les intempéries. Ah bon? L'affaire. Ah oui, non, ça c'est... La belle affaire. Le Racing a poussé à mort parce que genre Alain Plett voulait que ce soit fini avant que ce soit fini. Et donc ils ont fait tous les fameux salons VIP et tutti quanti. Ils ont fait les sols et les murs avant que ce soit totalement hors-do, hors-d'air. Mmh. Et il y a eu des grosses intempéries en juin. Tout a été complètement ruiné. C'est horrible. Ouais. C'est maudit là. C'est horrible. Franchement, pauvre Alain Plett. Ouais, le pire dans tout ça, c'est l'assureur qui doit repayer. Oh ouais. Ça, c'est horrible. Ouais. Moi, je les connais j'aimerais bien. Pas être à leur place. Je les connais bien. J'aimerais pas être à leur place. Mais est-ce que l'assureur doit vraiment payer si les mecs ils ont pas fini le droit? S'ils ont pas respecté la règle. Moi, je pense que l'assureur, il a des bons avocats devant lui. Il va faire des recours, je pense. Et c'est pour ça que les gens n'avaient pas pris des photos et que ça s'insultait partout. C'est parce qu'en fait, le Racing se rendait compte qu'ils étaient en train Ils se sont fait ruiner. Enfin là, ça c'est qui n'en veut. Moi, j'ai trois sources concordantes qui me disent que toute la tribune sud a été ruinée. Quoi. Après, merci. Je pense que tout le monde doit refaire. Je passe ou pas. C'est ça. C'est comme le mur de l'Atlantique à l'époque, tu vois. C'est, ouais. Il a été ruiné. Hein, faut aussi. Il y a eu un genre d'organisation top. Encore de là. Alors qu'est-ce qu'on dit alors de là à comparer la tribune sud à un bunker, excuse-moi. C'est vrai que à la limite, l'organisation top c'était un peu mal. Ah oui, mais j'ai les verres en vert. Mais bon, en gros, juste pour ma question c'était. Donc elle n'est pas finie. Donc il n'y aura pas tous les VIP, parce que j'ai vu la proportion. VIP place pour l'enfant. Il y a plus de VIP que de normal. Ouais, la plèbe. Mais c'est pas qu'il y a plus. C'est qu'il y a la race plus. En fait, le Racing, c'est Coachella. C'est ça. On est sur, pour les j'en vois pas, c'est visuel, mais pour les non-VIP, on est sur une espèce de bande. Ouais, alors par contre, tu dois taper dans les mains et agiter ton drapeau pour l'ambiance. Hein. Bien sûr. Sinon, VIP, est-ce qu'ils font grève? Voilà. Est-ce qu'un VIP. T'imagines la banderole, genre, vous dansiez maintenant, chantez, monsieur les VIP, tu vois. Ouais, il y aurait un truc à faire. Ouais. Et après marquer enculé, tu sais, en ouais, bon, qu'est-ce qu'on oui, fait? Oui, peut-être pas le. De toute façon, ils auront la flotte aussi si jamais il y a des intempéries pendant le match. Le toit va pas couvrir ou je sais pas quoi, il y aura. C'est... Mais ça, ce sera une vraie ambiance, quoi. Tu sais, là, quoi. Ça a l'air tellement de la merde, ce ça. Non, c'est non, mais il y a les fuselages d'avion dessus. Ah oui, mais voilà, mais regarde. Ouais, c'est... La proportion de gold sur le truc. Voilà, là, on a une vraie mission de radio, quoi. Ne dit-on pas qu'il ne pleut jamais sur les cons. Oui, c'est ça. Alors attendez, ça, c'est un vrai truc. En Bretagne, oui, exactement. Là, on est à 1h03. J'étais vers. J'ai le noté. Hein. Là, en bas, à 1h03, il faut mettre une illustration du stade. Illustration. 1h03. Tu mets juste la gueule à un play. Mais les gens, ouais, t'as tout effacé. Oh, c'est marrant ça. Contrôle Z. C'est con, hein, j'avais des carrés de zone avec des tarifs différents. C'est pas ce truc. Voilà, donc bah, du coup, vivement ce premier match à la Méno. Ouais. Storky, la nouvelle fan zone, le bunker, la panic room de Mark Keller qui sera au milieu de l'ancien la Destroy Room. je pourrais prendre des gars des Patrick Outreau et bam. Et Bamako. C'est ça. Donc voilà, bah, on a, enfin, moi, je... Il est mort, hein, Madou, là. Oui, il devait aller au disciple. J'avais pris mon billet. Ouais. Bon, on s'égare, vas-y. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que lui n'était pas aveugle à ce qui se passait au Racing. Tout à fait. Voilà. Ensuite, bon, les deux matchs suivants, bah, c'est Recoupe d'Europe. Donc, on sait pas, c'est à la Méno, c'est à l'extérieur, c'est Maxi Pool, c'est Super Coq, voilà, on ne sait pas. Et si on est qualifié. Et après, le traditionnel déplacement à Monaco. Ouais, pourquoi on a toujours ça? Bah parce que les mecs se disent, c'est des Alsaciens, ils sont à Rimini, du coup on va mettre Monaco fin août. Ils vont s'arrêter sur le passage, voilà, Catholica, Monaco, ça se fait bien. C'est quoi, c'est 4 heures? Non, c'était au printemps. L'été dernier, oui. Ouais, mais c'est souvent quand il fait beau, mais il fait souvent beau. Mais je crois que de tout temps, ouais, on a le déplacement à Monaco. Quand à chaque fois, on se déplace à Monaco. Au début ou en fin par an. Ouais, chaque année. Ouais. Est-ce que c'est... Parfois, il y a Sissoko qui marque de loin. Dépôt de valise dans des banques en prévision de... Écoutez, Jean. Tu ramènes l'argent du mercato. Ouais, c'est ça. Marc-Hélène ramène l'argent du mercato. Là, il y a Là, il y a des mots. C'est Abid Jirai, des billets entourés autour de... qui m'assiste, machin. C'est comme dans le film de Scorsese. Casino. C'est dans Casino ou c'est dans les affranchis? Non, le Loup de Wall Street, non. Ils font des billets pour aller en Suisse avec Jean Dujardin. Ah ouais, qu'il le nique là. Ouais. Après, je pense que dans beaucoup de films de Scorsese, il y a des mafieux et des types. Voilà. Bon, donc du coup, les matchs sont à peu près finis. Le reste, on aura largement le temps d'en reparler parce que c'est une saison hyper complète. On va faire 18 émissions pour les 18 ans. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Les 18 matchs de chaque saison. Sauf pour les Alex et Alex qui, eux, font 5 émissions de moins. J'ai retrouvé mes notes. Ah bah, elles sont reparties. Ah, parfait. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, comme il nous reste encore à peu près 3 heures. T'avais un point aux aider. Oui, non, justement, là, on va parler du futur. Enfin, le futur, c'est ce qui intéresse le Racing. Parce que, genre, souvent, on dit, vous êtes tourné vers le passé, vous êtes rétrograde. L'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Et donc, là, on va parler du futur. Alors, j'avais fait, globalement, le classement, le joueur de la saison, puisque c'était une excellente idée, de chacun choisir un joueur, le coach et Mark Keller. On peut aussi faire un jeu qui va sauter en premier, le coach ou Mark Keller. Ou aucun des deux. Ou l'un va sauter l'autre. Et pourquoi pas champion de France? Moi j'aurais dit Félix Baumgartner. Mais... Ah. Oh là là. Ah. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de monde là. Ouais, c'est... Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Baumgartner. En tout cas, c'est quand même. Baumgartner, c'est quand même le truc, la GoPro, c'est non quoi. Après Schumacher, Baumgartner, déjà les Allemands et la GoPro, peut-être quelque chose. Ah, c'est une GoPro qui l'a tué ? C'est une rumeur. Non, c'était en tout cas dans les médias italiens, ils pensent que la GoPro s'est détachée et rentrée dans les pales de son parapente, enfin l'élève, machin, et celui-là a bloqué, il serait tombé comme une pierre. Il a coulé comme une pierre. Putain, on dit pas assez le mal que la GoPro a fait. Le petit ami aussi, hein, c'est une GoPro. Ouais, c'est donc, à quand les GoPros que les joueurs portent des casques avec des GoPros pour être plus immersif pour la diffusion des matchs. Le truc en POV là. Ouais, là tu vois, on a déjà eu une partie dégagée devant pour faire les têtes. C'était déjà ça. On pourrait leur implanter. Moi, c'est la clé. La nausée, je vais pas vous mentir. Ouais, c'était spécial, hein. Ah, c'était, la réalisation. C'était les arbitres qui portaient ça, c'est ouais. Ça oui. Ah, ouais. Comme les flics. Oui. Comme bientôt les arbitres. Oh, bah, c'est chouette. Je m'en fous, je suis en train de chercher mes notes. Hein, donc, des lions, je vais discuter. Donc, du coup, je propose de choisir un joueur déjà. Pour, en guise d'apéritif, un joueur de la saison. Le joueur qui va performer en bien ou en mal. Et honneur à Kittel, c'est ça? Évidemment. Bah écoute, ça tombe bien parce que je verrai sûrement aucun match cette année, mais. En même temps, on n'a jamais eu besoin de voir les matchs pour. Non, c'est vrai. T'en es l'exemple quand même. Tout à fait. Parce que le pire, c'est que je ne vois pas, mais j'y vais. Pogacar ou. Non, moi je vais mettre Maxi Oyedele parce que son nom me fascine. Je note, hein. Pour, ouais. Parce donc, que... à voir ce qu'il devient. Je crois qu'il joue avec un bandeau. Oui. Et des très beaux bandeaux. Il a une très belle. Alors par contre, il a une très belle allure. Sur les yeux. Autant comme footballeur, je sais pas, mais alors. Avant le match, ouais. Ouais. Franchement, digne, tu sais, droit comme Eric Cantona. Il y a quelque chose de ça, je trouve. Col relevé. Probablement pas dans le jeu, de nouveau, mais ça, c'est pas important. Non, donc. C'est vrai, le Rosénor, je sais pas. ce qu'il raconte, moi je suis pas ce qu'il raconte, mais apparemment il s'exprime beaucoup, il est content, même si c'est dans une langue que je connais pas. Le Rosenior. Ouais, le Rosenior, il a inventé le Rosenior Ball. Je sais pas si il y aura peut-être une opportunité pour lui à Sheffield City United. Oldham, je sais pas. Mais votre énergie n'est pas. Non, pas positive. Ouais, pas tournée, pas tournée. D'accord. Mais donc on reçoit, bah, on retient Maxime Oye. Oye, c'est noté. Hein. Voilà. Oye. Oye. Strotim, un joueur, en bien ou en mal, hein, bien sûr, on peut dire du mal, ce n'est pas tabou. Non, bah, c'est censé être la saison de la nazie, je pense. Alors, les DNA, on traitait, on magnifique nanazie à l'écrou. Je sais, j'ai pas tout, cherche encore la contre-pétrie, mais ouais, Mais il a fait une vraie. Nanazie à l'écroix, ça aurait été un peu mieux, tu vois. Cranazie à l'écroix. Voilà. Effectivement, il est en pleine possession de ses moyens. Il a pu enfin prendre une nuit de repos complète. C'est ça. Ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Bon, donc, il a fini de monter les meubles chez lui. Il a garé sa Volvo. C'est vrai qu'on attend, on se dit. Est-ce qu'on va le voir avec une vraie préparation à la jambe? Après, ça, c'est souvent des conneries, mais... Si j'avais un bouton de jingle, je stop. On fait une séance cliché suédois ou comme on a fait sur le cliché turc? Ouais, tout il a fait. Déjà monté les meubles et il a déjà la Volvo, donc... Il nous manque quoi? Non, juste pour qu'on ait Bigo. Les Chris Brolls, et puis un petit Sona. Bergman, Ingmar Bergman. Sona, c'est plus finlandais. Les blondes, c'est plus finlandais. Les blondes. Il est blond. Il est blond. Abba, c'est suédois ou... Ah ouais, Abba, c'est suédois. Abba. Sab, c'est pas suédois. Sab. Si. Ah ouais. Si. Philippe Sab. Philippe Sab est un groupe suédois. Ok, c'est bon. Le petit jingle de fin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, non, c'est déjà pas mal sur la suite. Tu peux encore en chercher. Le Vavin. Ah ouais. Ah, le bateau qui a coulé là. Évidemment, le Vavin. C'est impressionnant. Pas les gâteaux. On a déjà fait les Chris Pauls. On change de registre. Mais sérieux, vous êtes déjà allé à ce musée? C'est impressionnant. C'est quoi le Vavin? Le Vavin, c'est un genre de galion. Pendant la guerre de 30 ans, est sorti du port de Stockholm, ils avaient mis un pognon dingue, et le truc a coulé au bout de 1 km. Il a coulé dans la rade de Stockholm. Et en fait, la Baltique, c'est une eau qui a la particularité d'être très peu saline. Et donc, du coup, ça n'a pas attaqué le bois, et ils l'ont renfloué dans les années 70-80, ils l'ont reconstruit dans un musée. Donc, tu peux aller visiter le musée où ils t'ont reconstruit le Vavin. Qui s'appelle le Vavin. Et c'est sur la même, il y a une petite île là où il y a aussi le musée à bas, et il y a que des mères suédoises qui balancent des poussettes parce que tu sais, ils ont le truc du congé parental là où. Qui balancent des, pardon? Tout à fait. Les poussettes. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es en Suède, c'est très très mal vu. Il y a deux trucs qui sont très mal vus en Suède quand t'as des enfants, c'est de pas prendre ton congé parental. Et de pas le partager, donc genre, c'est ça, ouais, les mecs ils ont 6 mois de congé parental chacun. Et surtout, en fait, si tu. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué ça, en fait, c'est la course à celui qui va le plus tôt chercher ses enfants à l'école. Si tu vas chercher tes enfants à l'école à 16h30, t'es un salopard, quoi. Après, j'ai rien à foutre que tu bosses entre 19h et 22h30 comme un con parce que t'as. D'accord. Mais c'est parce que tu vois, c'est culture. D'accord. Plus un peu de protestantisme, on se regarde tous. Vous arrêtez de critiquer le protestantisme. Donc, Nanazi, il va sortir de la Baltique. Et c'est ça, exactement. Il va émerger de la Baltique. Zlatan Ibrahimovic, il était suédois ou je sais plus. Mais son nez émergé de la Baltique, ouais. Ouais, donc quand même, il y a 2-3 trucs. Et pas Taïta. Ah non, il était finlandais. Vous vous souvenez le jeu? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on a avec Allez. Bon, et un mot sur Rosenior, hein? Non, après. Un joueur, Alexco. Je vais aller sur Valentin Barco, qui va prendre 3 rouges dans la saison, mais qui va finir meilleur joueur de la saison. D'accord. Choix audacieux. Et un très très bon match contre le Sparta Prague. Est-ce qu'il va faire des barbecues Asado. Ouais, en accueillant des juifs et des nazis en même temps. Oh là là, c'est très argentin ça. C'est très thème code. Œcuménisme à l'Argentine. Non, en Argentine, ils font un truc, c'est ils font un mélange avec le Fernet, qui est de chez toi là, JP. Tout à fait. Et ils font ça, Fernet Coca. Ah ouais. Ouais, ça c'est très. C'est très argentin, ouais. J'ai mal rien d'entendre l'idée du mélange. Oh. Bon bref. Non mais Barco, vous en voulez ouais. Ça vous dirait. Non, alors on peut parler de Barco parce que c'est vrai que tout. Barco latino. Franck Meunier. référence strasbourgeoise, enfin peut-être des plus de 45 ans. C'est ça. Les après-midi des moins de 50 ans. Non, mais Barco, oui, Barco. Non, mais Barco. Est-ce que ouais, je sais pas. Moi j'ai envie de dire qu'il va pas être bon parce que tout le monde pense qu'il va être bon. Tu vois, j'en parle. On voit bien votre esprit français. Mais là, il fallait bien que j'assure. J'ai toujours que les choses n'arrivent pas. Je t'ai donné Caleb Wiley l'an dernier. Il fallait un peu que j'assure cette année. Je pouvais pas. Est-ce que Barco est le nouveau Caleb Wiley? Non, je dégoter un petit vin du Boulawen. Qu'est-ce qu'il est bien d'ailleurs? On en a parlé là. Oui, il joue à Watford. Enfin, il joue pas, mais il a été prêté. Il a une licence, quoi. Quel destin. Hein. Bah, c'est pure d'Elton John, hein, quand même. Oui, oui, tout à fait. Qui est mort, hein? Non, Elton John, non, je crois pas. D'accord. Mais il est anglais, par contre. Tu vois, Ozzy Osbourne est mort, mais pas Elton John, tu vois, le monde est comme ça. Mais qui fait tiens, fait toujours vivre. Ouais. Et oui, pourtant, je pense qu'ils ont pris la même quantité de. Bah, donc, Roulian, ton joueur. Alors, je vois. Ou une joueuse, peut-être. Non, c'est un joueur, et j'en vois pas un autre que notre futur Ballon d'Or, Emega, bien sûr, évidemment. Évidemment, on en a pas parlé. Où je pense que Emega va franchir la barre des 15 buts, dont un but de la tête et 14 du pied en trébuchant, à peu près, dans les 6 mètres. C'est-à-dire qu'en fait, je pense pas qu'il va marquer un but au-delà de la surface. Ah ouais, non. C'est... Avec un gardien qui est couché au premier poteau et il pousse la balle au deuxième poteau. Je pense que ça va être l'intégralité de Emega. Ça va être ta fibre handballeuse. Ouais, il joue dans la zone, lui. Évidemment, il joue dans la zone. Bertrand Jaffoud. Le nouveau très aigu. Donc il va passer la barre des 15 buts. Ça va être incroyable. Mais, et sans marquer les pénalties. Alors, qui va tirer les pénalties? Qui va tirer les pénalties? Sûrement pas lui. Et par contre, je le vois bien capitaine de l'équipe. C'était un débat sur le Stubb. Quelle bonne idée, ça. Mais qui d'autre? Il va être Ballon d'Or. Dans sa carrière, son tracé, il sera Ballon d'Or, notre ami Emega. Évidemment, on aura des photos. Quand il rentrera au Hall of Fame du football, il choisira quel maillot pour être intronisé. Je tombe gratte avec Floqué Mario As, quoi. Ah ouais, t'as raison. Ouais, ça a plus de gueule, t'as raison. Mais qui va tirer les pénalties alors? Bah, un mec qui sait jouer au foot, genre. Un mec qui est technique, genre en bas quoi. Alors, les pénalties, vous avez vu? Alors, dans un an ou dans deux ans, si le gardien repousse, c'est fini. C'est ce qui est sur la table. Changement de règle. C'est nul. Ok, c'est vraiment con. Ça n'a aucun sens. Changement de règle, alors ça va. Le mec se plaint qu'il n'y a pas assez de buts et. Faut remercier Arsène Wenger, hein. C'est lui qui a la tête de toutes ces merdes. En plus, c'est quand même une sacrée salope. En plus, c'est vraiment ça. Une grande amélioration. Donc, prochaine Coupe du Monde, déjà, ça sera en place. N'importe quoi. Tu tires, le gardien repousse, c'est fini. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. C'est lamentable. Grande amélioration, il n'a jamais mis un rond. Ni prêter un joueur. Mais rien du tout, ouais. Que dalle. Putain, c'est... En parlant de joueurs. Monsieur foot de foot. Yes, I. Moi, je pense à Samir El Mourabet. Vous l'avez découvert contre Nancy. Excellent. Eh bien, vous ne le reverrez plus jamais. Et voilà, et pourtant, c'est le fleuron. Un fleuron strasbourgeois, international espoir en futsal. Marilyn, international espoir en futsal. Ouais, en futsal. Avec la France. Nancy cette saison. Tournoi national. Espoir. Mais vous voyez, vous êtes quoi? Il sera vendu en D2 portugaise à l'été 2026. C'est le fameux Estoril. Issu d'une famille strasbourgeoise, voilà. De footballeurs. Issu d'une famille strasbourgeoise. Non, du coup, ah, c'est le même qu'on avait avant. Tu sais, le petit nain gaucher Candil qui a Annecy, pareil, que Nick Sofane. Le petit ange de la Méno. Qu'est-ce qu'il fait? Il est majordome chez Lyon. Koenig Sofane, je crois qu'il est de la Canardière. Ah, je crois que c'était Koenig Sofane. Non, Auberg. Il y avait un. Évidemment, Auberg, Udo. Non, moi j'aurais dit de la Canardière. Moi je le voyais plus Canardière, ouais. Non, moi je le voyais prenant moi. C'était comment déjà Candil? Mais il est pas de la Méno tout simplement. Nordine. Bah c'est Candil et Canardière. Candil Nordine, voilà, je mets là. Ah, il est à Amiens maintenant. Bah c'est pire qu'un Canardière. Putain, le vieux, 23 ans. Donc, attends, JP Larky, c'est à toi de trouver un joueur après. Oui, mais moi je l'ai, j'ai. Ah, tu l'as déjà? Ah, moi je l'ai depuis. Bon, ouais. Moi j'ai décidé ma rendez-vous. Et on ne l'a pas piqué. Quand vous m'avez envoyé le. Franck Farina. Quand vous m'avez envoyé le script. L'agenda, le script. Mais le problème, c'est que Monsieur Foot de Foot m'a un petit peu pris au mojo. Le conducteur. Parce que j'étais parti aussi sur un joueur qu'on va pas mal voir, c'est Carl F6 Johnson. Voilà. Voilà, c'est essentiellement par racisme, hein, parce que. C'est un des seuls. Suédois. Donc, voilà. Il y a quand même plus de Suédois que n'importe quelle nationalité dans cette équipe. Et donc, voilà, c'est tout. Je pense qu'à un moment, il faut en parler. parce qu'après on n'en parlera plus. Donc, parlons-en avant de plus en parler. Voilà, donc pour moi c'est beaucoup d'émotions. C'est un quelqu'un. Je pense que c'est une belle personne. Et ça, c'est important. Je pense que de nos jours, on a tendance à perdre les valeurs. Et voilà, pour moi, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a évidemment, la qualité musicale. Il y a. Non, mais voilà. Et donc voilà, et pour moi, ce type, cette personne est une belle personne. Ok, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Connard est un mec merde. Donc, et toi, je sais plus comment il s'appelle exactement, c'est Karl. F6. Moi, je me dis que c'est Twitter, Karl F6. Ouais. C'est le mec de Twitter. Ouais. Mais qu'on connaît. Mais sinon, tu l'appelles par son surnom, c'est Calais. Calais. Exactement, comme le chou d'ailleurs. Ok, Karl Calais Johnson. Voilà, c'est pour moi. Karl. Ouais, effectivement, il me revient la tâche titanesque de conclure sur ce joueur de l'année. Je sais que les générations futures nous regardent. Le Radio Stoub, à la radio. Dans un an. Ouais. Et je n'ai aucune idée de qui est dans cette équipe. Donc je vais prendre un joueur. Un joueur que tu connais. Un joueur que je connais. Marc Keller, tu vois. De l'année dernière. Non, je ne sais pas moi non plus. Ah. Je ne sais pas du tout encore qui je vais prendre. Ouais, je suis en train de regarder. Il y a peut-être un chose de gagner. Non, mais j'ai trouvé. Je vais prendre un joueur. Carole Fila, il est encore. De football. C'est Edouard Sobol. Mais j'en étais sûr. Mais c'est ça, je voulais dire. Le jumeau maléfique. Le sosie. Parce que c'est le dernier survivant, le totem du Racing. Vous avez vu La Planète des Singes? Oui. À la fin du film, je veux pas spoiler pour les gens qui croient qu'il y a plein de trucs. À la fin du film, il vient et il se rend compte. Il y a le totem et il se rend compte qu'il est dans le monde d'avant, mais après. Ah, et c'est un monolithe et en fait c'est 2001 du cinéma. Ouais, c'est ça. Non, à la fin sur la plage. Mais oui. Ah. La Statue de la Liberté. Abandonné, coquillage et crustacé. Voilà. Et là, c'est pareil. Dans 3 ans, le fan du Racing, il va se rendre au premier match de la saison la à Colmar. La Liberté. Il verra la Statue de la Liberté d'abord. Dit, oh putain, tout la planète des singes. Gilbert Meyer. La planète des singes, l'avenue Gilbert Meyer de la paix. Et de Strasbourg. Putain, ouais. Et ensuite, il verra Edouard Sobol en train de faire ses lacets et il se dira, putain, mais en fait, le Racing n'a pas changé. Et je vois la scène quand, donc, Blouko. Comme les saucisses. Blouko voilà. S'en va. Laisse le club exsangue. Fabien Keller. Fabien Keller, la nouvelle présidente. François Keller prend le RER, le TER. Et il a fait jusqu'à Colmar. Avec sa carte fluo. Et là, Sobol, comme tu dis, la scène est magnifique. Il fait les saucisses. Il retourne les saucisses. Et on lui dit, faut que tu mettes les crampons parce qu'on a. C'est l'expandable. C'est l'expandable. Et il retrouve que des vieux comme ça. Ça, c'est très bon, ça. Martin Gétout. Eh ouais. Ah, mais si ça se trouve, il fait une saison dingue, il retrouve la sélection nationale. Sobolito? Bah, bien sûr. Sobolito. Tout est possible. Il y a personne sur qui il joue la Coupe du Monde, c'est quoi, en fin de compte. Donc on a fait les joueurs, on va enchaîner quand même le classement, là c'est facile. Vous n'êtes pas obligé, on donne une fourchette. Ouais. Genre, voire un couteau, à la limite une cuillère. Ça c'est dit. Un cure-dent. Alors on commence toujours par Kittle, notre guide, notre ouvreur. Je pense de 1 à 18. non, pas du tout. On pensait à autre chose. J'aurais pu faire gaffe en fait. Quels sont les clubs qui étaient devant nous l'année dernière, qui étaient déjà là devant nous lors de la saison Steph? C'est exactement les mêmes. Tous, ça veut dire que ce sont quand même des clubs qui ont de l'avance sur Racing. Faire mieux que 7ème. On peut niquer Lyon. Ça me semble très compliqué, donc je pense 8-11. Parce qu'il y aura la Coupe d'Europe à digérer, Prague et Malte, etc. Non, bon, c'est lourd à Prague, Lausanne. Et aussi. C'est un déplacement à Lausanne. 13e. Le trademark Racing. Du Racing. Avec Comboiré qui fait genre, mais non, mais c'est ma place. 14-17. 14-17. Ça ressemble à une guerre. Il manque. Ok, moi j'étais plutôt 10-14, donc deuxième partie du classement. Moins bien, j'ai l'impression que la mayonnaise va pas prendre et j'ai l'impression que la Coupe d'Europe va prendre pas mal d'influx effectivement aux joueurs. Où je nous vois bien quand même, encore une fois, performer et faire grimper l'indice UEFA, bien sûr, vous nous doutez bien. Et donc du coup, un championnat bien mais pas top. D'ailleurs, on aurait dû demander classement de saison et jusqu'où on va en Coupe d'Europe. Ah bon, on va loin. On fait demi-finale de Conference League. On se fait éliminer par le Tchernomorets Odessa. Et ce qui est bien, c'est que demi-finale, tu touches au moins 50 000 balles. En plus, pour lesquels. Et deux carnets de tickets resto. Et ça, c'est pas. Et la carte fluo pour tous les joueurs, pour le match amical à tout à fait. Monsieur Foot de Foot. 8-12. Sans le. Eh, sans la. Yeah, sans l'insister. Ah, ça progresse. 8-12. Ouais, 8-12. C'est pas mal. C'est l'ADN du Racing, l'ancien Racing, avec les nouveaux yeux. De Milly. Moi non, moi je suis assez réaliste. Je pense non, réellement, je pense au premier tiers du championnat. Et donc, c'est 1-6. 1-6. Oh là là, oh là là là là. Je regardais ce que vous avez tous fait. Mais 1-6 vraiment ou non 2-6 non ou 1-6. Mais 1-6 hors taxe, 8-12 TTC. C'est fini. Là, le PSG là, ils ont atteint leur truc. Normalement, dans le yin et yang, ouais. Le cycle, bidule machin, ils sont obligés de descendre. D'accord. Et nous, on monte. La place est à prendre. Nous, on monte. Ouais. 1-6, ça me paraît. Je note. Pour moi, je vais être moins optimiste que toi, mais je vais dire 6-7. Wow. Ouais. Comme il présente comme. Non, l'autre. Falco 6-7, ouais. Ultra 6-7. Non, parce que je pense que avec les investissements massifs qu'on a fait, on va faire une saison qui va être sportivement correcte. Après, on va aussi se rendre compte que mettre 150 millions pour finir 7e du championnat de France, ça a peu d'intérêt. Surtout pour toucher 0 euros de droits télé domestiques et 5 millions de droits de Conference League. Voilà, c'est ma théorie. Et l'année prochaine, du coup, l'année prochaine, on est Lens. Ça, c'est la suite de ma théorie. C'est-à-dire, on vend tous nos joueurs. Du coup, Thomasson revient, quoi. Ouais, ouais. On vend tous les joueurs qui valent un sneakers pour enflouer. C'est la théorie. Voilà, ouais. Bah, écoutez, cet optimisme me réjouit, me fait chaud au cœur. Personne n'est trop légal. Vous avez tous conscience. 14-17, c'est pas loin de la relégation. Ouais, c'est même carrément relégable. Ah, parce qu'on a 18 clubs, c'est ça. Ah. Vous avez tous confiance en notre coach, notre guide. Là, oui. Notre grand chambellan. La voix des étoiles. Liam. Liam. Fucking Handsome Rosenior. Ouais. Et donc. Là, on va faire un petit jeu. Il est flou. Ouais, t'as vu ? La photo de Nordine Candy sur Wikipédia, elle est floue. C'est quand maintenant, il est comme ça dans la vie. Sa mère était bourrée. Ouais, bon, bref, pardon. Donc, un petit jeu, et la question est très simple. Oui. Je vais vous demander qui de Marc Keller ou de Liam Rosenior va durer le plus longtemps cette saison ? Vous pouvez dire les deux. Hein. On parle de. On parle avec Sabrina. Durer longtemps, ouais, c'est ça, c'est longtemps dans quel contexte, en fait. Toi, ton abonnement, il va démarrer en mars. Monsieur, là, je pense que tu manques de carburant pour. Oui, pour... Voilà, donc Kittel, à toi l'honneur, parce que je sais que c'est une question qui te tient à cœur. Franchement. Vous avez une de ces patates. Mais le mec a fait grouper tout d'entrée. Départ réel, kilomètre zéro. On l'appelle Cipollini quand il y a un Saeco qui fait grouper tout. Il a ses 5 équipiers autour de lui. Pas besoin dans le premier col. Non, mais je pense que ça dépend des retards des travaux aussi. Ben oui. Si Keller doit prolonger sa mission de sacrifice de soi au profit de Racing. Ouais. Non, je pense que Rosenor peut dépasser Keller. Ah. Oh. Voilà, pour l'éviter. Donc, comme disent les jeunes, Rosenor supérieur à Keller. Wesh. Ouais. Ok. On note. Rosenor. Voilà. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'estime pour Liam Rosenior. Il n'y en a pas beaucoup pour marquer là non plus. Mais je vois bien le petit scénario où Chelsea plante son début de saison. Maresca se fait lourder. Et appelle Rosenior. Et Blugo fait genre, bah écoute, Michel, on a personne, tu vas... Parce que ça ce serait l'enculerie ultime. Tu vois. Il attend que ça. Ouais, je pense qu'il attend que ça, effectivement. Donc, moi, je vois... Il y a deux voies. Chez Blouko. C'est le scientifique excellence. Ou le people management. Le people management. Mais je pense que Rosenior, il excelle dans le people management. Le people management. Parce que pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, il est quand même très très fort. Marc Keller aussi, hein, cela dit. Oui. Mais Marc Keller, c'est quand même un peu toujours la même chose, tu vois. Il y a le côté anglo-saxon quand même qui fait un plus. Donc ouais non, moi je vois bien un petit scénario comme ça, tu vois. C'est un bon, c'est un excellent scénario. Chelsea 15e de Première Ligue parce que un peu du mal à digérer. Au bout de 10 matchs ouais. Et le début catastrophique et là Liam. Et là il dit genre c'était cool Strasbourg hein, mais salut les gars. Salut les cons. Salut les cons. Salut les gars. Ah, c'est con, ma femme avait failli venir mais vraiment on s'est barré quoi. J'aime beaucoup ce scénario. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, moi j'ai un scénario moins sexy. Les deux finissent la saison un peu dans l'indifférence générale, puisque de toute façon. On s'en fout. Voilà. Voilà. Donc ni l'un ni l'autre. Voilà. Ouais. Ok. Vous, ce qui vous intéresse, c'est vos fleurs. Je m'en fous. Non, moi je vois très bien Rosenior partir avant Keller. Je pense que. Ok. Je pense que, comme on parle d'une saison moins réussie que l'année dernière, si à la trêve. Le mec a pas des résultats. Je vois pas nos amis de Bluco être particulièrement patients avec un super coach. Moi, je le vois dégager assez rapidement. En tout cas, un peu plus vite que Keller. Tu penses que ses enfants pourront faire le marché Noël quand même? Oui, c'est possible, mais pas beaucoup plus. Quoi. Ouais. Bon, après, bon. Le marché de Noël va commencer le 31 octobre cette année. Donc, ouais, et puis le truc qu'ils ont fait putain, en février, c'est du Racing. C'est ça. Ok. Monsieur foot de foot. Ouais, je pense qu'ils partiront ensemble. Ah, ça c'est bon. Partiront en vacances ensemble. Voilà. Partiront ensemble à la fin de la saison prochaine, à la fin des travaux du stade. Inauguration, c'est comme ça. Avant, voilà, il va faire l'inauguration, Marc Keller, et puis après... Disparaître. C'est ça, un truc incroyable. Ok. Ok, c'est un bon scénario aussi. Mais est-ce qu'ils je vous en remercie. Est-ce qu'il faut espérer qu'ils vont partir un jour sans retour? Et oublier leur amour. Effacer, ouais. Je sais plus. Et puis, son visage. Ah oui, sans se retourner. Sans se retourner. Ah, c'est votre voisine. Ouais. J'en ai déjà entendu que les Too Be Free et Rock Voisine étaient la même personne. Il paraît. C'est une théorie. Non, c'est Alan Théo. Il paraît que Philippe est mort. Tout Be Free est mort. Et il paraît aussi qu'il avait un énorme. Une bite. Ego. Ah bon? Ouais, ah, j'ai entendu une en ego. Ah aussi. Mais et alors autre anecdote, je connais un type. Non, c'est une vraie anecdote et il y a un rapport. Hein. Ah, ouais. Je connais et elle est vraie. Un type, un génie. Longuement. Qui a fait Sciences Po, je crois, à Strasbourg et qui est parti à Paris voler de ses mains. Et il a voulu écrire un bouquin. Mais il a volé quoi? Pas l'associer le bouquin à lui parce que il fait, voilà. Et donc il cherchait un pseudo et il a pris le meilleur pseudo du monde. Philippe Adèle-Franck. Philippe Adèle-Franck, ça fait Jean Edernalier, ça fait. Ouais. C'est excellent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est sur quoi ce livre? On peut peut-être l'acheter? Non, je sais pas. Le club échangiste à Mandelieu. Oui, les meilleurs recettes de Popers. Voilà. Donc on arrête ici les anecdotes politiques. On a fait assez de politique. C'est intéressant. Alors moi, non, j'ai pas dit moi. Si. C'est si, tu as dit. T'as dit partir un jour. Ah oui, ok, c'est bon. Non, mais non. Putain, Alzheimer, c'est quelque chose quand même. Quoi. Ah oui, on me dit qu'on est pressé par le temps. Ouais, bah écoute, moi je pense aussi que ce sera Rosenior qui partira. Ok, et eh ben, il tombe bien, ça tombe bien, il tombe bien. L'homme qui tombe à pic. Cole Sidors. Moi je pense que les deux partiront aussi bras dessous à la fin de la saison. Écoutez, ah ouais. Mais vachement bien enrobé. Non mais tout va bien, la France va se relever. Maintenant on arrive. Inquiétez pas. Moi je pense que c'est plutôt on arrivera à la fin d'un cycle, vous comprenez. Voilà. C'est la fin d'un cycle. Oui, 3 ans. Ouais, c'est l'image de la fin d'un cycle. Oui. Bah 2 pour lui et puis pour Keller un peu plus, mais. Oui. C'est la fin d'un cycle, tu vois. Il y a un club de foot, c'est comme une montgolfière. De temps en temps, il faut lâcher du lest. Enfin, les trucs habituels, quoi. Voilà, genre je me vois comme un parachutiste avec une GoPro. Et les trucs. Exactement. Voilà. Eh ben, sur ces bonnes paroles, une dernière question militaire peut-être pour la route. Oui, random ou il faut qu'elle ait un rapport. Non, il y a un rapport à quoi? Rapport à Racing. Ouais. Alors, ok, alors on y va. C'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on veut du vraiment sur le foot ou les gens qui veulent notre mort? Les gens qui veulent notre mort. Alors c'est parti. Il paraît que c'est où? Il paraît que Racing Club. Vous l'avez vu celle-là? Que Racing Club est mort. Racing Club est mort. Quand est-ce que Radio Club? Qu'en est-il de Radio Club? Qu'en est-il de Radio Club? Voilà. Alors je ne sais plus qui a posé c'est cette question. C'est une question excellente de Mugi Mugivar. Oui, Mugivar, évidemment, excellent intervenant du récit. Racing Choub est en train de mourir, paraît-il, virgule. Alors, il y a un tiré. Paraît-il, il y a un tiré normalement. Là, il n'a pas de but. Virgule, la fin de Radio Choub va-t-elle, je pense, suivre. Alors, bien sûr, Radio Choub ne s'arrêtera jamais. On a pré-enregistré des heures et des heures d'émission qu'on a mis sous la place du château, tu sais, comme la time capsule. Vous avez lu Fondation? C'est pas pareil. On s'est cloné. Ah, Cell Dose. J'ai eu peur, t'as commencé. Vous avez vu Fontanelle. Moi j'étais pas sûr. Il est aux Philippines. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il est aux Philippines. Tourisme sexuel. La prime à l'échec en fait. Le mec a assez foiré donc il a été promu. C'est pas lui qui était promu. C'est ça. Ça va. En tout cas. Radio Choub est éternel, en tout cas jusqu'à qu'il y ait une anomalie génétique qui fasse muter les intervenants et qu'on s'égorge tous à table, mais a priori à la 18e saison. Non mais on retrouvera un EHPAD où être ensemble, tu vois, l'EHPAD Kader Mangan, l'EHPAD Dimitri Guénard qui est à ses côtés, près de Belfort. En tout cas c'était une excellente émission de reprise. Cancoyote à toutes les heures. 18e saison, restez, n'oubliez pas de mettre des pouces si c'est possible. Cloche bleue. Abonnez-vous. Mettez vos commentaires pour faire marcher l'algorithme. Et bien sûr. Et envoyez les sioux. À l'arc. Évidemment. La monétisation. Voilà. Et bah, allez, Racing, évidemment. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.